Allez, on est de retour dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est de retour, donc après, en direct cette fois-ci. Vous avez pu suivre depuis 20h, on vous a diffusé l'interview qu'on a réalisée sur Twitch cette semaine. C'était lundi après-midi, je crois, ou mardi, je sais plus. Interview que vous pourrez retrouver sûrement, je suppose, je suppute, sur Twitch, je pense qu'elle est sur YouTube. Voilà, vous pouvez la retrouver un peu mais sur les réseaux sociaux, tout exactement. Simplement, des Gironde Analyse, le Twitter, le Facebook, l'Instagram, le Discord, Tinder, on a tout, on est tout. Ah, mais ça y est, maintenant on est une émission à la page. On est. Ouais, multi-carte. On se faisait la réflexion, tiens, justement, hors antenne, Thomas Touroud, super moment passé avec lui. Alors, faut savoir quand même, Thomas Touroud, qu'à la base, on devait le garder 15-20 minutes. Et on l'a gardé 40 minutes. Donc, merci à lui déjà. Et franchement, ouais, bon gars. Hyper disponible. On lui a demandé, genre 24 heures après, on avait l'accord et tout. C'était hyper cool. Super gars que vous pourrez retrouver donc sur Free. Puisque Free a une application. Une application, voilà. Que vous pouvez sur toutes vos box. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Non, mais si ça, vous c'est avez l'application, Free, c'est sur ton téléphone. Ah oui. Et voilà. Après, je pense qu'il y a une chaîne sur les box. Bien, messieurs, en attendant notre programme. Juste, moi j'ai une petite annonce à faire. Ah oui, pardon, vas-y, oui. Donc, il y a une actualité brûlante chez Gironde Analyse, on peut pas vous dire quoi, il y a une grosse surprise qui arrive très très très rapidement pour vous supporters GD Girondins. On va dire dans les deux semaines. Voilà. Donner un créneau. Ouais, alors là, tu es créneau très large. Ah bah attends, on parle de la même qu'on a parlé dehors ? C'est peut-être ça, c'est pas la même surprise dont on parle. Non, c'est pas la même. Ah. Donc du coup, restez connectés sur les réseaux sociaux des Gironde Analyse. Mais dans deux semaines, vous en rendez bien aussi. Sur les réseaux sociaux de Gironde Analyse, pardon, excusez-moi. Ça va bouger dans les heures à venir, dans les jours à venir côté Gironde Analyse. On a teasé déjà notre première photo de logo, donc le hashtag nous les Girondins. Dans les heures à venir, il y aura du nouveau et on vous promet du lourd, du très très lourd. Oui, voilà, on va pas en dire plus. C'est un mystère, c'est une surprise. Et comme toutes les surprises, il faut que ça reste surprise. Non, mais oui, effectivement, Cyril a raison. On travaille sur un nouveau concept. Non, c'est pas nouveau. Si, c'est peut-être un nouveau concept. Concept. Ouais. Ben voilà. Parce qu'on est comme les marchands de voitures, on fait des concepts. On fait des concept car. On vous tiendra évidemment informé très rapidement de ce qui va arriver. Vous précisez aussi également, voilà, parfait, pendant que notre invité est en train de passer par le standard. Hop là, je décroche Cyril, parfait. Juste avant d'accueillir notre invité Alexandre Poirier au téléphone, vous précisez donc que vendredi prochain, Bordeaux-Lyon à 21h, donc évidemment, l'émission n'aura pas ça. Il n'y aura pas d'émission, il n'y aura même pas d'après-match, parce que si c'est pour commencer un after à 23h, ça va être un peu compliqué. En revanche, Twitch. Avant match sur Twitch, est-ce qu'on a un horaire déjà donné ou pas ? Sinon, on le donnera dans la semaine. 20h, 20h15. Voilà. 20h15 max. Le match étant à 21h, on fait 20h15, 20h45, grosso modo. Ouais, voilà. Avec, on peut l'annoncer, un invité qui était déjà venu dans cette émission, qui s'appelle Frédéric Roux, ancien gardien, qui a joué dans les deux clubs. Et qui a joué dans les deux clubs, qui sera avec nous par Twitch en direct. Ça, c'est pour la semaine prochaine, le programme. On va pouvoir donc repasser au programme de ce soir avec notre première invitée en direct. Il est avec nous au téléphone pour parler de la formation. C'est Alexandre Poirier du site formationgirondin.fr. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. En forme pour la nouvelle saison ? Ouais. Elle est OP là, il y a que de la nouvelle là dans le, alors, dans, voilà, dans le centre de formation. Parce qu'il s'est passé plein de choses, mine de rien. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de tout ce qui se passe dans le groupe pro et autour avec la direction, tout ça. Mais mine de rien, niveau formation, il s'est passé plein de trucs. Ça a été le gros projet de Roche. J'ai l'impression que Roche a surtout commencé la formation. Alors c'est un truc, ouais, c'est un truc de dingue. Déjà juste pour commencer, déjà est-ce que tu peux juste nous donner, alors pas combien il y a eu de départs et combien il y a eu d'arrivées. Est-ce que tu le sais ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'on nous annonce, on nous annonçait 4 noms tous les jours. T'en avais 4 qui arrivaient. Enfin Il y a eu beaucoup de mouvements, c'est vrai, mais alors chez les joueurs, il n'y a pas eu tant que ça, surtout en réserve 19 où il y a carrément zéro recrue, parce qu'il y avait eu beaucoup la saison dernière, il y a eu beaucoup de signatures de contrat pro, donc il faut les faire jouer, donc il n'y a pas eu de recrue dans le groupe réserve 19. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'encadrement, au niveau même des responsables, ça a beaucoup, beaucoup bougé. Après, de là, faire un bilan chiffré, il y a eu pas mal de départs, ouais, pas mal d'arrivées. Et surtout, il y a eu des promotions. Parce qu'on pense tous à Mathieu Chalmé qui finalement a connu une période un peu floue. C'est-à-dire que d'adjoint de Judy Selly est passé chez les 17 en tant que deuxième ou troisième adjoint, puis finalement prend les 19 à la place de je ne sais plus comment il s'appelait. Tony Chauva. Voilà. Pierre Espagnol le rejoint alors qu'il était pareil, il était un petit peu pas à la cave, mais quasiment. Yaroplasie qui rejoint les pros. Yaroplasie qui rejoint les pros. Maviba qui rejoint la Judy Selly. Voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Le dernier en date, c'est le préparateur physique qui rejoint la nationale, c'est ça? En fait, le dernier en date, pas forcément, parce que tout s'est accéléré sur les 2-3 derniers jours et tout s'est un peu fait en même temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période de gros flou entre le départ de Souleymane Cissé et puis l'arrivée d'Alain Roche, même si c'est pas du poste pour poste, ça correspond un peu. Et cette période de gros flou où je pense que Chalmé en est le symbole, en fait, lui-même ne savait pas qui allait entrer cette saison. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette période-là un peu de flottement, et là sur les 2-3 derniers jours, la Roche a fini de mettre tout ça au clair. Même si il replace les anciens de la maison, il les replace à des postes plus honorables, on va dire. Voilà, c'est ça. Après, si on fait le point rapidement sur la réserve, donc on a avant il y avait deux adjoints avec le coach principal qui était Yaroslav Plazil et Mathieu Chalmé. Donc Plazil, tout le monde le sait, est parti chez les pros. Ça aussi d'ailleurs ça se fait vraiment en diamant. Normalement Plazil il était entre un poste d'adjoint et un départ, même plutôt vers un départ. Bon, finalement le changement d'entraîneur chez les pros a tout changé. Et puis Mathieu Chalmé avait cette proposition du club d'entraîner les 17 régionaux, mais en tant qu'adjoint. Donc c'est pas très bien passé. Et puis bon, après des discussions avec Alain Roche, il est passé entraîneur du 19. Tony Chauva est parti. Il avait été amené par Souleymane Cissé et puis finalement il est reparti rejoindre Souleymane Cissé à Lausanne. Le dernier des Portugais est parti aussi, Ricardo Correa et João est parti il y a une semaine ou une semaine et demie. Voilà, et Ricardo c'était le dernier, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça, c'était son adjoint, à João. Donc les deux sont partis aussi. Après en réserve, on a effectivement Rémavouba qui est arrivé, mais lui il était là depuis la reprise de la réserve, hein, début juillet. Donc, il a pris ce poste d'adjoint. Voilà, globalement c'est ce qu'on peut dire. Après le préparateur physique Julien Maison qui est aussi parti, qui était remplacé par Raphaël Fèvre là tout récemment, il y a 2-3 jours. Mais c'est de celui-là que je parle, c'est Fèvre qui est préparateur, c'est ça, de la nationale. C'est ça, voilà. Donc en fait Judy Selly repart avec un nouveau staff, quoi. Un staff tout neuf, à part Victor Pereira qui reste. Est-ce que c'est pas finalement le dernier qui reste en fait de la période Cissé Varela? Est-ce que c'est pas Judy Selly qui reste? Mais il reste encore Victor Pereira, qui est entraîneur des gardiens, et aussi responsable des coachs gardiens du centre, qui est arrivé aussi il y a un an en même temps que tous ces gens. Et voilà, c'est un peu les deux survivants, on va dire, en tout cas sur le terrain, de cette époque-là. Il y avait Benjamin Faquez aussi, qui est un préparateur physique chez les U17, cette régionaux plutôt, qui est arrivé aussi un petit peu sur le tard, mais qui s'est passé cette période-là. On peut dire oui que Joey Chelli avec Victor Pereira sont les deux survivants. Ça fait quand même énormément de, enfin énormément. Oui, ça fait. Ça fait gros chantier. Voilà, ça fait quand même gros chantier. Est-ce que alors que je vous avoue que bon Cyril, t'es beaucoup plus calé. Pas forcément. Par rapport à moi, si. T'es beaucoup plus calé CFA que moi. Non, la CFA, je t'avoue, j'ai lâché il y a 2 ans. Mais je comprenais plus rien ce qui se passait et j'ai lâché. On va en parler un petit peu avec Alexandre, mais en fait Bordeaux a innover puisque a créé en fait une deuxième équipe professionnelle, puisque dans ta nationale 3 il n'y a quasiment que des professionnels. Oui, puisque ils ont tous passé pro voilà, cet été, donc, on a anticipé un futur changement de et que la ligue passe en fait le championnat des réserves. Mais tous ces changements Alexandre et Cyril, j'ai envie de vous demander alors c'est bien, mais c'est au service de quel projet et de quel, est-ce qu'il y a un projet clair défini ou est-ce que c'est dire juste on change des gens pour changer des gens et puis on verra bien ce qui se passe? C'est un peu compliqué de répondre. Bon, déjà si vous voulez une stat, il y a 72% de l'effectif de la réserve qui est pro, il y a 32 joueurs donc 23 pros, ça donne une idée déjà un petit peu du projet. Après pour justement parler de projet, c'est un peu délicat parce qu'il y avait un projet qui était là jusqu'ici qui était un petit peu l'ultra ligue, hein, mm-hmm. signé, hein, c'est déjà signé pro des joueurs pour les revendre après plus tard ou les intégrer au groupe pro. Et puis là maintenant il y a un nouveau projet qui se met en place, peut-être plus axé formation que le précédent. Après je sais pas trop ce qu'Alain Roche a prévu, mais localement j'ai l'impression aussi que ça va repartir sur du local, parce qu'il faut savoir aussi que les Girondins ont recruté mais limite à l'international, puisque Boucha, Cardozo, Klidj, Kassef. Oui, Kassef. Donc oui. Là on repart sur un peu le local, bon ça se voit pas parce qu'il n'y a pas eu de recrue. Mais Oui. De toute façon, après, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'avec tous ces contrats, finalement, est-ce que ça bouge pas des années à venir, finalement, des prochains joueurs qui pourraient être amenés à sortir. On parle beaucoup de Issouf Sissoko, apparemment, qui a commencé chez les pros. Il y a Tom Lacou aussi, qui a fait quelques entraînements. Oui. Après, à la CFA, on parle beaucoup de jeunes comme Lenny Piringuel. Il y a qui aussi ? Il y a le jeune défenseur central. J'ai oublié son nom, 18 ans, il me semble. Le jeune quoi ? Un jeune défenseur central de 18 ans. Tijani Atala ? Oui. Tijani, pareil, qui s'est entraîné avec la réserve cette année, enfin qui a fait la pré-saison avec. Si je peux me permettre juste une rectification, Naouf El Kassef, il n'est pas au Girondin. Non, il vient de signer au Portugal. Il vient de signer au Portugal. Non, mais tout comme le base, il avait été recruté pour la réserve. C'est lui, la coiffeuse. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Là, je comprends mieux. Pour ceux qui comprennent pas, vous écoutez les podcasts de l'After Foot il y a 3 mois, vous comprendrez. D'ailleurs, annonce aussi bientôt pour ce qui va se passer la personne. Bref. Je comprends pas ce que tu. Alexandre, moi j'ai une question par rapport à cette équipe de national là. On a signé énormément de jeunes professionnels, mais. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur dans le lot qui ressort ? Toi qui vas voir quasiment tous les matchs. Dans ceux qui ont signé pro récemment ? Oui, ou même dans cet effectif-là. On parle de Pucé qui serait vraiment très très fort. Il y en a qui ressortent, oui. C'est vrai quand il y a eu beaucoup de contrats pro, ça a été pas mal critiqué. Après, pour moi, c'est plus la forme qui critique que le fond. Parce que sur le fond, ces jeunes-là étaient amenés à signer pro un jour ou l'autre. Peut-être pas cette saison, mais ça aurait été le cas la saison prochaine. C'est plus la forme où on nous annonce 6, 7, 8 contrats pro d'un coup, ça s'est jamais vu au Girondin. Mais donc, je pense que c'est ça qui a choqué les gens en fait. Mais Alex... Sur le fond, c'est des contrats qui sont logiques. Alors, toi tu suis la formation, donc évidemment je te crois. Mais moi il y a un truc qui m'interpelle quand même, c'est que alors évidemment les temps ont changé et on n'est plus dans les années 2000 ou les années 90, mais quand même. Je me rappelle quand même d'une période où avant de passer pro, Marouane Chamakh il en a bouffé des matchs avec le numéro 35, Mavuba il en a bouffé des matchs avec des numéros 32, et je peux vous faire une liste longue comme le bras, Dugarry, on peut en faire plein. Là j'ai l'impression que les mecs arrivent, ils ont 19 ans, il y en a certains, je sais même pas s'ils ont joué un match, et direct, boum, on leur fout un contrat pro. Alors moi, je me questionne un petit peu quand même. Est-ce que c'est pas des futurs Maxime Pounji en puissance ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois. Après, est-ce que c'est pas, entre guillemets, pour certains, des futurs boulets qu'on va se traîner pendant 5 ans ? Parce que faire passer autant de l'extérieur, hein, pour quelqu'un qui ne suit pas à fond l'actualité de la formation, moi, l'image que ça donne, c'est de dire on ratisse le plus large possible. On fait signer un max de mecs et on espère que dans le lot, il y en ait un qui nous fasse une Koundé, une Tchouaméni, tu vois, qui soit bon, qui soit bon 6 mois et puis qui on vende 20 millions. Je pense que c'était le projet, hein. C'était le projet de l'ancienne direction, bon, qui est toujours un peu là, mais des anciens, on va dire, responsables à la formation, je pense que c'était le projet. Maintenant, il y a toujours, quand on signe un joueur pro, il y a très peu de chances qu'il perce dans le club où il a signé. Ça s'est vu au Girondin. Si on prend l'exemple, on prend 5 joueurs pro, il y en a un qui va rester au Girondin. Donc c'est sûr que sur ces joueurs-là qui ont signé, il y a le risque qu'il n'y en ait que très très peu qui réussissent ici, mais ils réussiront peut-être ailleurs. Et je leur souhaite. Ouais, mais c'est des contrats que tu gardes, tu vois. Ouais, mais là, c'est des pros, c'est pas juste qu'ils sont en réserve, c'est des contrats pro. Loré qui part chaque année, l'année dernière qui est parti à Dunkerque, je crois. Donc, je sais plus où il est parti. Dunkerque, oui. Là, qui part dans un bled, je sais même pas où c'est. Carrick qui va en division 3 espagnol. En fait, c'est des joueurs que, en fait, qui nous pénalisent peut-être même plus en fait par leur signature que qu'autre chose quoi. Déjà on a réussi à vendre l'OTAN avec Trest. Ouais, mais ça c'est pareil, l'OTAN c'était le problème, c'est qu'après derrière il faut aussi analyser le mental des joueurs, c'est-à-dire que il a peut-être du talent, mais après il faut voir aussi la personnalité du gamin. Alex. Ah oui. Mais oui, mais comme je dis, voilà, c'était le projet jusqu'ici. Je pense que maintenant le projet a changé. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ne peuvent que constater. Les choses sont faites, et ils sont obligés de faire avec. Donc ces joueurs-là, je pense qu'ils vont jouer majoritairement en réserve. Et là, il y a de très bons joueurs qui ressortent. Pour reprendre une question qui a été posée plus tôt, il y a des bons joueurs qui ressortent. On a des Logan de Lorraine Chaubé, des Henrique de Pucé, des Sekoumara, Traoré Bakor, qui sont un peu plus connus déjà, mais qui font des bons matchs aussi. Issou Sissoko qui lui vient d'arriver, qui est très prometteur aussi. C'est pas parce qu'on a signé tous ces joueurs pro qu'on les met à la cave en attendant qu'ils perdent. C'est des joueurs qui vont jouer en réserve, et qui font déjà de bonnes prestations et qui, je pense, sont amenés à évoluer plus haut. Ils évolueront peut-être pas au Girondins, mais on les verra plus haut, en Ligue 2, peut-être en Ligue 1 dans quelques années. Ouais, mais bon, ça serait un déroulement un peu plus normal. Moi, je me rappelle de Barbé, de Grady. De Chevalier, de cette époque-là, en fait. Je suis sûr, si on prend un quart d'heure, on fait une liste, mon pauvre, ouais. Long comme non, mais tu prends un Barbé qui a finalement une carrière très honorable. Quand tu vois le nombre de lots qui est de contrats qui ont été signés, je pense que lui, il avait sa place largement dans cette équipe, dans ce panel de contrats, quoi. C'est vraiment une méthode qui est surprenante. Surprenante parce que c'est inédit, quoi, au Girondins de Bordeaux. On n'a jamais vu ça, quoi. Après, il faut se dire que ces gens qui ont décidé ça ne sont plus là. Et que voilà, c'était une méthode critiquable. Maintenant, c'est des nouvelles personnes, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire. Je pense qu'on peut espérer voir. Et peut-être un aspect financier derrière aussi, non ? Parce oui. Que Souza touché ou je crois le. Souza ou Machia, ou peut-être même les deux. Il y en a qui touchaient de l'argent sur chaque joueur signé. Donc. Il y a un truc, je viens d'y penser à l'instant, je vais pas. C'est la fin. Ouais, encore 3 minutes. Oui, oui. J'y pense juste à l'instant. Évidemment, avec la crise sanitaire, vous savez que maintenant, on peut faire 5 changements dans un match de football et non plus 3. Est-ce que je me dis, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça quand on est joueur, jeune joueur avec un contrat pro Girondin, de se dire ben là où avant j'avais peut-être pas ma chance, ou alors si je jouais c'était comme on a vu le pauvre Ben Raoult l'année dernière qui jouait 10 pauvres minutes en fin de match ou 15 pauvres minutes, ben là peut-être que je me dis peut-être que ces jeunes là c'est Kumara qu'on connaît, Zerkan, puis il y en a d'autres, est-ce que ces jeunes là vont pas avoir justement un peu plus de temps de jeu et un peu plus d'occasion de montrer ce qu'ils savent faire pour pourquoi pas après intégrer réellement le groupe pro. Ben c'est ce que je me suis dit, enfin, je pense que c'est ce qu'on s'est un peu tous dit, c'est que de voir 2 changements supplémentaires, c'est l'occasion pour les jeunes peut-être de se montrer. Après, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaudrait pas mieux jouer un match entier en National 3, ou en National ou en Ligue 2 si on est prêté, plutôt que de jouer 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là en Ligue 1? Je sais pas, c'est sûr que c'est l'occasion pour ces jeunes-là de se montrer, mais à ce moment-là, ils vont avoir 10 minutes, ils vont avoir 15 minutes. Pour se montrer, on sait que c'est pas facile. Là-bas, l'OTAN le sait. Donc, oui, le pauvre, lui, il a été jugé sur un match. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui peut arriver aux offres qui vont être lancées dans le cadre de ces 5 changements. Donc, je me dis que oui, c'est une bonne nouvelle. Après, il faut faire attention à ne pas griller les jeunes. En les lançant 15 minutes à la fin de match, on perd 1-0, on fait des Kumara pour qu'il égalise, il égalise pas et tout le monde va y tomber sur lui. Il y a le risque aussi. C'est moyen, je sais pas trop. Je te pose une dernière question comme ça. Cette année, la National 3, tu la vois à quel niveau? Et s'il y a un joueur à vraiment surveiller, c'est qui pour toi? Alors à quel niveau? Moi, je la vois jouer la montée. Parce que sur la fin de saison dernière, là, qui était stoppée par le Covid, il y a eu une très mauvaise première partie de saison. Ça a très mal démarré. Bon, tout le monde le sait, on démarre un nouveau projet, de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs. Je pense que ça a joué sur ça. Maintenant, sur la deuxième partie de saison, ils étaient vraiment à fond, ils avaient trouvé un rythme, ils avaient trouvé un collectif, le coach avait trouvé un 11-6, ça tournait très très bien, ils faisaient très bon match, il n'y aurait pas eu le Covid, je suis persuadé qu'ils jouaient la montée et qu'ils étaient top 3, ça c'est sûr. Donc je me dis que s'ils arrivent à peut-être une bonne base, et qu'on a vu en préparation, où il y a des choses qui sont en place et qui sont intéressantes, c'est comme sur le premier match, même si on fait un match nul, c'était un très bon match. Donc je pense que vraiment la réserve peut jouer la montée. Est-ce qu'elle montera? Je sais pas. Parce qu'après il faut savoir quand même que la National 3, c'est un championnat qui est très dur. avec des formations en face qui sont beaucoup plus âgées et qui s'entraînent de plus en plus souvent. C'est pas des clubs pro, mais ils se professionnalisent de plus en plus dans la méthode d'entraînement, dans le nombre d'entraînements. Donc ça sera pas facile, mais je les vois bien jouer la montée. Après, ressortir un joueur en particulier, c'est pas facile, parce qu'il y a quand même des très bons joueurs. Mais j'ai bien envie de mettre une pièce sur les soucis Soko. J'aurais pu dire Delorey Chobé, j'aurais pu dire Mara, mais c'est des gens qu'on connaît. Je pense que les Girondins, maintenant, ils sont connus, et les supporters savent que c'est des futurs bons joueurs. Donc je vais mettre une pièce sur un joueur qui est un peu moins connu, c'est Soucy Soko, qui est arrivé juste avant le Covid, en fait, quelques semaines avant le Covid, qui a eu le temps de faire deux matchs à peine, et qui là, du coup, a pu faire sa préparation avec les Girondins. Et c'était très intéressant. C'est un milieu relayeur qui a beaucoup, beaucoup d'activité au milieu de terrain. Partout, il récupère beaucoup de ballons, il les redistribue proprement. C'est très intéressant, mais d'origine malienne. Mmh. Et je pense que c'est un joueur qu'on pourrait rapidement voir pointer le bout de son nez dans un groupe pro, pourquoi pas. Il a un peu à se canaliser peut-être, parce que justement le fait qu'il court partout, il a tendance parfois à être un peu en retard sur les fautes. Il a fait une faute où il prend un jaune le week-end dernier, c'est un jaune très orangé. Donc il faut qu'il arrive à se canaliser un petit peu. Mais sinon c'est un très bon joueur, je pense. On te remercie, ouais, Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre, alors, fais-nous, dis-nous quand même, le site, donc c'est formationgirondin.fr. T'es présent sur, ou vous êtes présent plutôt? Facebook, Twitter, Instagram. Ben voilà, ça fait Facebook. Attends, parce que moi les réseaux sociaux, je suis un peu Facebook, Twitter, Instagram. Oui. On rappelle, le premier match de la réserve, c'est... Alors c'était le week-end dernier, c'était contre Tartas. Il y a eu match nul 1-1. Et là demain, normalement, il devait aller à Châtellerault, mais le match est reporté parce qu'il y a un cas de Covid au sein de la réserve. Donc maintenant, le prochain match, s'il n'est pas reporté, sera le samedi 12 septembre contre l'Escap Ferré à Libourne. Et est-ce qu'on sait, alors bon, si tu le sais pas, tu le sais pas, est-ce qu'on sait si c'est ouvert au public? Oui, logiquement, oui. Ouvert au public, oui. Ok, voilà. Puisque normalement, si tout va bien, la réserve n'attirera pas plus de 5000 personnes. Ou alors, il faut vraiment... Voilà. Et c'en est où, en fait? Juste une petite question, juste avant de... C'en est où de la tribune, voyant? Eh bien, quand les Américains sont arrivés, ils ont stoppé tout ce qui était en cours. Bon, il n'y a pas grand-chose qui était en cours, mais ça a commencé. Donc, ils ont tout stoppé, ils ont voulu faire un petit peu l'état des lieux. Sauf que depuis, c'est un petit peu tombé aux oubliettes. D'accord. Et donc là, la dernière nouvelle, c'était stoppé, mais c'est des nouvelles qui datent de un an. Donc depuis, le Covid en plus s'est passé par là. Et puis le bâtiment, Cyril. Les retards à YouTube. Ça ne serait pas la première fois. Merci Alex. Merci Alexandre. Bonne merci. Saison. Et puis à très bientôt. Je pense qu'on sera amené dans la saison à se reparler pour faire un petit point sur le parcours de la réserve. Merci Alexandre. Ceci. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Salut, ciao. On continue. Cyril, à quelle heure doit-on avoir notre prochaine invité, s'il te plaît? Comme très ça, rapidement. Ah oui, non, mais moi, ça ne me dit pas combien de temps j'ai. Normalement, c'est à 21h05. Parfait, donc j'ai 2 minutes. Ce qui me permet de vous dire... ce qui me permet de vous dire quoi? Que pour le match de la troisième journée de Ligue 1, Bordeaux-Lyon, 5000 personnes ont été autorisées. Oui, puisque vous savez que les Girondins avaient fait une dérogation pour Nantes qui avait été refusée. Là, cette fois-ci, et puis on est en région, en département rouge, je sais pas trop quoi là pour le Covid. Bref, toujours est-il que le club a été autorisé, parce que de la même façon qu'ils peuvent faire une dérogation pour t'autoriser à accueillir 10 000 personnes, ils peuvent te faire une dérogation pour que tu joues à huis clos. C'est pas interdit non plus. Donc le match contre Lyon, si vous devez vous rendre au stade, sachez que alors comment ils choisiront les 10 000, ça on en sait, les 5 000, ça on n'en sait rien. Toujours est-il que vous pourrez aller voir Bordeaux-Lyon si vous faites partie des 5000 chanceux qui pourront aller au stade vendredi prochain, coup d'envoi, à 21h. Cette émission a un rythme que j'aime beaucoup puisque nous enchaînons avec notre prochain invité, Dounia Mesli. Mesli ou Mélie ? Mesli, oui. Mesli. Comme Messi. Bon, oui, exact. Bah tiens, ça tombe. En plus, ça tombe bien. Et c'est vrai que oui, ça tombe. On colle à l'actualité de dingue. Présentation, Cyril, de Dounia, s'il te plaît. On reçoit donc Dounia Mesli qui officie à Cœur de Foot, donc un des gros sites du foot féminin, une des références quoi, du foot féminin français. Et il me semble aussi que tu fais partie d'une émission sur le foot africain. En fait, c'est plus un média qui s'appelle Africa to Sport qu'on, mmh. qu'on a racheté il y a quelques années avec le même sponsor en fait. Et voilà, on essaye aussi de développer la pratique du foot africain à l'international, surtout que moi je suis les Africains enfin qui jouent en France. Oui, vas-y. C'est et vrai. Donc Cœur de Foot, c'est une page ou un site sur le c'est football. Un média. C'est un média. C'est un sur média, le... c'est une société reconnue par voilà par le gouvernement français, par la FIFA, l'UEFA, la FFF, etc. Tout ce qui va bien, ouais. Donc là, normalement, voilà. On devrait être pas mal niveau crédibilité, on est bon. On a tout fait bien comme il faut. Ouais, là, je veux dire, quant à la FIFA, l'UEFA, la NASA et l'UNICEF et tout ça, l'UNICEF, là, tu peux faire tout ce que tu veux, t'es crème. Ouais. Mais si, parrain de l'UNICEF d'ailleurs. Tu vois, il y a toujours un rapport. Dounia, déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. On parle souvent, souvent. Avec Vanessa. On parle, voilà. Avec Basconès, non Je pas pense, du champion du digital, je pense que tu la connais. Oui, bien sûr. D'accord. Totalement. Ouais, bah, je sais pas, voilà, si des fois les gens se connaissent ou pas. Elle aussi est sponsorisée par la FIFA. Ouais. Elle a fait une interview en fait. Donc, elle a fait une interview de moi sur son site qui a été exceptionnelle. D'accord. Donc, on l'a eu une ou deux fois dans le studio ici avec nous et c'est vrai que ça s'est super bien passé, super cool. Peut-être qu'on l'aura cette saison pour parler des filles donc du FCGB. On en parle assez souvent, mais c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous et pas avec une spécialiste ou quelqu'un qui vraiment est à fond là-dedans. Donc merci Dounia, on va parler des alors. J'ai déjà une première question. Vas-y. Spécialiste du football féminin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le championnat français de football féminin, où j'ai peur, c'est le meilleur championnat européen de foot féminin, puisque en fait, finalement avec Lyon qui domine, ah bah oui. Paris souvent qui est dans les dernières demi-quarts. Avec les Allemands, je pense, les Allemands sont aussi dangereux, les Allemands, les Allemandes. En fait, c'est par rapport aux résultats, oui. Par rapport à tout ce qui est autour des joueuses, c'est-à-dire dans le marketing, etc., des clubs, c'est assez compliqué parce que voilà, c'est un peu anglo-saxon, le marketing, tout ça. Et c'est vrai que la France a un peu de retard sur ça. Mais je pense que cette saison, on est bien parti pour que tout ça se mette en route. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Et je pense que cette saison, ça peut être un tournant. Et dans les résultats, oui, on est au-dessus des autres. Ça, c'est clair et net. Non. Et concernant tout ce qui est programmation, cette saison, ça n'a pas changé toujours Eurosport et Canal+ pour le foot féminin. C'est ça. Sur Canal, ce sera tous les matchs de D1 et sur Eurosport, ce sera les matchs de Coupe de France. Alors, à ce propos, coup de gueule. Est-ce que je mets le jingle coup de gueule? Non, on a un invité, j'ai pas envie d'avoir honte. Mais coup de gueule. Et je l'avais dit à ce micro pour ceux qui étaient présents autour de la table ce jour-là. Nos filles, nos Girondines, ont joué une demi-finale de Coupe de France face au PSG. Donc le troisième club français féminin, les Girondins de Bordeaux, affrontent le second dans une demi-finale de Coupe de France. C'est quand même pas un match amical pourri, sans vouloir, avec tout le respect que j'ai pour les matchs amicaux, mais c'est pas un match amical pourri. Certes, c'était sur un terrain un peu foireux à Libourne, mais quand même. Et ce match est diffusé dans un anonymat quasi général sur Eurosport 2. Surtout qu'il n'y avait pas de match à côté. Il n'y avait rien ce jour-là. C'était avant la reprise. Il n'y avait aucun championnat. Tout était fini. C'était la mort absolue. Moi, il y a quand même, je sais pas, Dounia, si tu saurais l'expliquer, j'ai quand même un énorme coup de gueule. Ok, coup de chapeau Canal de diffuser les matchs de championnat. J'avoue, nous les premiers, on allait voir. D'ailleurs, c'est pour la première fois, les féminines vont être diffusées le dimanche soir. Oui, 21h, Bordeaux-Lyon. Voilà. Bordeaux-Lyon ou Lyon-Bordeaux. Lyon-Bordeaux. Mais c'est dans 3 semaines, il me semble. C'est 32, exactement. Ouais, c'est le troisième match, je crois. C'est le troisième match. Donc, ok, Canal s'est mis sur le foot féminin. On va pas se mentir, hein. C'est surtout suite à la hype de la Coupe du Monde en France. Mais bon, pourquoi pas, c'est cool. Et moi, le premier, je suis content de voir... Oui, il en fallait. Hein. Voilà, de toute façon, il fallait. Et moi, je suis content de voir nos filles jouer. Je suis content de voir les matchs. Ouais. Mais quand même, est-ce qu'on se fout pas aussi un peu de la tronche des gens? C'est-à-dire qu'on nous dit en France, on veut développer le foot... Alors, et pour parler que du foot féminin, on va même pas élargir aux autres sports parce que c'est un massacre. Mais parlons que du foot féminin. On veut développer le foot féminin, on veut développer le foot féminin, on veut développer le foot féminin. Très bien. Et vous nous foutez une demi-finale de Coupe de France. Et je crois que les deux étaient enchaînés en plus, si je dis pas de bêtises. Il y avait Lyon. Voilà, Lyon-Guingamp, ou Lyon-Guingamp, je sais pas qui. Et on nous diffuse ça sur Eurosport 2. Déjà que Eurosport 1, il y a que Cyril qui l'a. Mais j'ai le 2 aussi. Alors Eurosport 2, je sais même pas, j'ose même pas imaginer combien de gens ont pas pu voir ce match-là. Enfin, moi, ça m'a profondément énervé. On pouvait pas mettre ça sur France 2, franchement, ou sur. Mais Eurosport, c'est pas France 2. Non, mais me dis pas que France 2, ils peuvent pas faire un effort à racheter les droits. Ça doit coûter combien? Ça doit coûter 100 000 balles un match de. Combien ça coûte? Enfin, moi, je sais pas, Dounia, si t'as une. J'ai l'impression que le discours qu'on entend, que ça soit de la part des ministres successifs, hein, Maracine et Anou, c'est pas la première et c'est pas la dernière, il y avait Laura Flessel avant, ça fait 10 ans qu'on nous fait le coup du foot féminin, depuis que l'équipe de France perce au haut niveau. Depuis je pense que c'est un problème plus profond, c'est-à-dire que c'est dans le socle, en fait. C'est-à-dire que en France, on n'aime pas trop se mettre en avant. Et les joueuses n'arrivent pas encore à se mettre en avant. Et celles qui se mettent en avant, elles sont hyper critiquées, hyper salies. Et ça les dessert et elles n'ont plus envie, en fait, de se mettre en avant. Et ensuite, c'est le club aussi qui n'ose pas se mettre en avant ou qui n'est pas soutenu. Moi, je vois Soyot faire une communication extraordinaire. Et pourtant, ils ont un like. La plupart du temps, c'est nous qui les retweetons. C'est incroyable de se dire que personne... C'est-à-dire que la population française ne fait rien pour soutenir ces clubs féminins. Tu vois le problème où je suis complètement d'accord. Et donc les diffuseurs, malheureusement, ils doivent répondre à la demande. C'est-à-dire que si tu as 10 personnes qui demandent d'avoir un match, ou 100 000 même, on va dire 100 000, eh ben, tu crois que c'est suffisant pour un diffuseur? Non. Mais et oui. En plus, les stades, est-ce que les stades sont faits pour accueillir les télévisions? Moi, les pauvres, j'en vois certains qui galèrent. Hein. Canal et tout, Eurosport, ils ont galéré parfois sur des matchs où on les voyait mettre des échafaudages, les pauvres. Enfin, moi, j'avais peur pour eux. Parfois, il pleuvait des cordes. Je me dis, mais ils vont mourir là en face de nous. Là. Bah, Dounia, je sais pas si t'es déjà passé par notre belle région et notre belle ville, mais nous, nos filles, elles jouent à Saint-Germain. Elles jouent sur trois stades différents chaque année. Là, elles sont à Libourne. Un coup, elles jouent à Saint-Germain. C'est loin de la ville, hein. C'est à 45 minutes en voiture. C'est je crois, ça. Libourne, c'est très loin. Libourne, en fait, elle s'éloigne vraiment du socle. Mais, et puis même en termes c'est là où Dounia, t'as très bien résumé le problème, c'est qu'en termes de football, oui Cyril, t'as raison, en termes juste de résultats sportifs, on est le meilleur championnat d'Europe, parce que quand t'as Lyon qui en gagne 7 en 9 ans, c'est fabuleux. Paris qui fait des demi-finales à tout péter, et puis Bordeaux qui arrive en Bordeaux, Montpellier, Guingamp, ça monte. Ok, mais alors sur tout le reste. À part l'équipe de France, je mets à part l'équipe de France qui elle pour le coup est très mise en avant et il y a des joueurs qui sont devenus stars, je mets des guillemets, mais quand même Des Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, on va pas, enfin il y en a Amandine un paquet, Henry, c'est une star, Amandine Henry, Laure Boulot qui est maintenant et ils ont pris Ouara, comment j'ai pris son prénom, Jessica Ouara aussi, voilà, donc c'est des figures. Et avant elle, Marinette Pichon, on oublie quand même, moi je m'en rappelle Marinette Pichon, là c'est la première qui est partie aux États-Unis. Oui, entre autres, ouais. Camilla Billy avant elle, enfin, il y en a eu un paquet. Laura Georges, l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Mais les clubs, en termes de com, en termes de diffusion, on fait jouer les filles dans des stades de 30 000 personnes, il y a 2 000, il y a 5 000 personnes. Faites-les jouer dans des stades, certes plus petits, mais qui voilà, où tu n'as pas l'impression de vide quand elles rentrent sur le terrain. Moi, c'est tout ça que j'ai l'impression. Non, il faut des stades anglais. Il faut des stades anglais. Tu sais, moi, je regarde des matchs anglais parfois. Je suis choquée parce qu'ils ont tout compris à l'ambiance qu'il faut mettre, qu'il faut instaurer dans un match, sur un terrain. Et après, il y a toutes les attractions qu'il faut. Et tu sais, nous, on en a discuté. On a eu une réunion avec la FFF, avec les diffuseurs et tout. C'est un peu en off. Mais les diffuseurs, ils nous ont dit, ça manque. Même Arkema qui est venu un peu mettre son naming sur l'AD1, ils nous disent qu'il manque de l'attractivité autour des clubs, autour du foot féminin. Parce que les clubs, qu'est-ce qu'ils font pas? Les clubs, ils vont pas vers les gens. Bon, maintenant, il y a le Covid, donc ça va être compliqué, c'est mort de chez moi. Mais avant, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ramener les filles, faire des tours avec elles, dans la ville, dans les villages. Bah, Soyot, Albis, des villages. Pourquoi ils ne seraient pas allés faire des petits tours et dire « Bonjour, on est là, comment allez-vous » C'est ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est mort maintenant. Ou de la promotion. Alors, nous, nos filles... Alors, bon, c'est vrai que des clubs comme Soyot, en termes de moyens par rapport à des gros clubs pro, que ce soit Bordeaux, Montpellier, Guingamp, qui ont vraiment la structure. Ah, nous, nos filles, elles sont parties faire une tournée aux États-Unis l'année dernière. Il y a un partenariat avec un club... il y a carrément des filles américaines à Washington. Il y a des filles américaines qui jouent avec le maillot girondin aux États-Unis. Donc bon, et puis en plus le foot féminin aux États-Unis, c'est largement au-dessus du soccer pour les mecs en termes de popularité et d'affluence. Après évidemment, il y a des clubs plus régionaux, Soyot, Guingamp, même si Guingamp c'est un club pro, ils ont quand même pas des moyens illimités. Tu parles de Paris, toi. Paris FC. Le Paris FC, c'est pas le PSG, le Paris FC. Ils sont ici aussi, qui vont remonter en B1, tout ça. Voilà, exactement. Donc ils ont pas des moyens de ouf pour communiquer et pour exister, peut-être au niveau local être déjà peut-être un peu plus présent et puis essayer de fédérer autour. Alors Soyo, je n'ai aucune idée, ça se trouve où Soyo, je ne sais pas où c'est. À côté d'Angoulême. Bon. Pourtant, c'est à côté de Bordeaux. Oui, j'allais dire, c'est limite, c'est à côté de chez nous. Parce que niveau foot, entre Bordeaux et Nantes, c'est mort, il n'y a rien. Si, il y a Niort. Bon, super. Oh, ils sont en D2, c'est sympa. Tu peux, je suis sûr qu'il y a un moyen d'attirer. Mais non, mais c'est vrai, on va pas. C'est bon, non, mais tu nous passes un coup de gueule. On est en train de parler du football féminin. Mais oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'entre Bordeaux et Nantes, il n'y a rien. À part les chamois niortais. Profite justement qu'il n'y ait rien. Pour essayer de fédérer autour d'un club qui s'appelle Soyo, et puis si dans 2 ans ils veulent le rappeler Angoulême, Soyo, ils l'appellent Angoulême parce qu'Angoulême ça parle plus, tu vois ce que je veux dire. Mais ils ont essayé de faire la fusion, mais ils ont refusé Angoulême parce qu'ils disent que c'est trop de frais en fait. Ah non, à un moment donné. Donc ils ont refusé à un moment donné. Non, mais c'est vrai, le FFIC aussi, hein, bon, quand il s'appelait le FFIC, moi j'y étais, moi j'étais bénévole au FFIC il y a 5 ans, quand j'y étais, ils devaient faire le GPSO déjà à ce moment-là, ils ont mis 5 ans à le faire. Peut-être que ça va venir pour Soyo, mais tu sais, c'est lent, mais je pense qu'il faut pas griller les étapes dans le sens où il faut pas perdre le contrôle du foot féminin, mais il faut juste donner les bonnes conditions de travail aux joueuses. C'est tout ce qu'on demande en fait. Là où tu as raison, c'est que c'est lent. Alors peut-être qu'on se montre aussi, et moi peut-être que je me montre aussi trop impatient, parce que mine de rien, certes le foot féminin est pratiqué depuis les années 70 et peut-être même avant, mais je crois que c'est les années 70. Il y a eu un véritable tournant avec cette Coupe du Monde là. C'est-à-dire que les amateurs de foot se sont mis à vraiment aimer le foot féminin ou à découvrir le foot féminin et à l'aimer. Moi je sais que malheureusement ça date, moi je me rappelle l'époque des JO de Sydney et compagnie. C'est pas pareil. Moi je suis jamais allé voir un foot féminin avant que les Girondines fusionnent avec Blanquefort. À partir du moment où le maillot des Girondins a été porté, je pense aussi que c'est très important que les clubs pro investissent dans le football féminin pour qu'il y ait un véritable essor. Parce que malheureusement, les gens sont aussi attachés à un écusson, sont attachés à un club, et que s'il n'y a pas de section féminine dans ce club, et mine de rien, tu as des gens qui n'iront pas voir le foot féminin parce qu'il n'y a pas cet attachement-là. Un truc tout bête, Dounia, je sais pas si ça a peut-être été évoqué. Apparemment, tu vois des gens de la Fédé ou assez régulièrement, de ce que j'ai compris tout à l'heure. Non, pas régulièrement, mais c'est-à-dire que après nous, on est sur Twitter, donc on suit un peu leur avancée. Et c'est vrai qu'ils peuvent pas communiquer sur tout, mais je sais qu'ils font de leur mieux. Moi, je sais que la vice-présidente Brigitte Henriquez, pour l'avoir interviewée et de l'avoir regardée les yeux dans les yeux, je sais qu'elle fait de son mieux. Et avec le recul, parce que moi ça fait 8 ans que j'y suis, avec le recul, je sais que c'est très compliqué en fait de développer une pratique et de développer le foot féminin. C'est vrai. Des clubs comme Bordeaux, ça fait du bien, parce que vous avez tout, vous avez la com, vous avez le recrutement, vous avez le projet, vous avez tout. On va pas se mentir, Dounia, on faisait la remarque, et ça fait pas mal de mois et d'années maintenant qu'on se fait la remarque, c'est à peu près le seul truc qui marche bien dans ce club depuis 5 ans. C'est la section féminine. On va pas se mentir, on en est totalement satisfait. On est arrivé de promu à 3e club de France en 5 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... Moi, je ne comprends pas que justement, si on regarde les 10 clubs du championnat français, je pense que deux têtes comme ça, et si je me trompe, corrigez-moi, mais deux têtes, il y en a peut-être 7 ou 6 ou 7, voire 8 qui appartiennent à des clubs pro, Marseille, Paris, tout ça. Montpellier. Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné... Je me dis, harmoniser les calendriers masculin-féminin, et puis quand tu... T'as pas le même nombre d'équipes. Non, mais je te parle pas d'harmoniser sur toute une saison, mais ponctuellement, je veux dire, de dire aux supporters bordelais, cet après-midi, ton équipe masculine joue à 19h, 21h, je sais pas à quelle heure c'est le match le dimanche, à 21h le samedi, ton équipe masculine affronte Angers, donc déjà à la base un Bordeaux-Angers, c'est pas sexy, on va pas être nombreux, et bien tu dis à ces gens-là, si tu viens voir Bordeaux-Soyo en féminin 2 heures avant, on te fait une place gratos pour Angers, ou on te fait un demi-tarif, ou on te fait j'en sais rien, un bon sur la... Trouve un truc attrayant pour faire venir les gens. Mais j'ai l'impression que ce n'est fait nulle part, à part évidemment bon, Paris et Lyon, ok, elles n'ont pas besoin pour remplir, mais ça peut s'expliquer. Mais pour tous les autres clubs, j'ai pas l'impression que ce genre de choses... Voilà, il y a beaucoup de paroles, on entend beaucoup de paroles des ministres qui viennent, qui nous disent oui, il faut développer ci, il faut développer ça, faire ci, fermer, faire ca. Mais au final, j'ai pas l'impression que les choses bougent beaucoup et qu'on fait beaucoup de choses pour rendre attractif ce foot féminin. Mais voilà, merci. Ouf, ouais, alors, non, mais je sais. Semaine. Non, mais c'est à double tranchant en fait ce que tu dis en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas forcer la main des gens à aller voir du foot féminin. Moi, je me rappelle à la Coupe du Monde U20, tu sais, il y avait des familles qui venaient et il y a une famille qui est venue à un moment voir les Bleuettes s'entraîner. Et moi, je leur ai parlé des joueuses, je leur ai dit, oui, tu vois, Christy Gavory, moi, je l'ai vue à Metz, c'est une pile électrique, elle enchaîne, elle est technique, Selma Bacha, elle fuse, c'est la percussion. Et les petits, ils étaient heureux, quoi, que je leur parle comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là au match, après. Ils m'ont dit, c'est grâce à vous qu'on est là. Merci, ils sont venus me faire la bise et tout. Et maintenant, ils me suivent sur Facebook et tout. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il faut donner le goût du foot féminin. Il faut pas forcer la main. Il faut que les joueuses aillent vers les gens. Elles sont hyper disponibles. À Bordeaux, du moins. Alors, au moins chez nous. Après, elles ne communiquent pas beaucoup. Elles communiquent pas beaucoup, les joueuses. Non, après, le problème, c'est qu'on fait partie d'un club professionnel où la communication est ultra verrouillée, surtout aux Girondins de Bordeaux, et notamment avec la période qu'on a connue. Donc, oui. Mais par contre, je sais que dès qu'on voit une joueuse du football féminin dans la rue, une Charlotte Bilbo, une qui vous voulez, vous allez la voir dans la rue. Elle sera toujours disponible, elle sera toujours souriante. Ça fait plaisir. Et donc voilà, non, mais ça, c'est une certitude. C'est quand, c'est il y a 3 ans qu'elle se sauve à la dernière journée avec un 2-2 à Paris. Face au PSG. Ah oui, j'y étais. Et ben, c'était quand? Le lendemain ou le jour même? Le soir même, on a 4 joueuses déjà. On en a 5 au téléphone en direct, quasiment coup sur coup. Enfin, je veux dire, jamais tu vois ça avec Alors que c'est dur. C'est dur, elles devaient être fatiguées sur les rotules. Ah oui, alors elles étaient très contentes, ceci dit, ça compensait un peu. Mais... Et puis nous, on était super heureux aussi parce que c'était notre club et qu'on était contents. Ouais, voilà, on était en plus face au PSG. Quasiment comme un titre. 2-2 face au PSG, t'étais heureux et ton club il se sauvait. Pour justement, le FCGB, les Girondins, je sais pas, les Girondines, ça fait pas terrible. Non, les Girondins, c'est. Moi, j'aime bien les Girondins. Ouais, Girondines, ça fait. Ouais, Girondines de Bordeaux. Ça fait un peu genre, c'est un espagnol, les Girondines de Bordeaux, tu vois. Mais non, mais c'est les Girondines. Soit tu dis, ouais, c'est les Girondines. Comment tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, mais là, on va développer un peu plus sur Bordeaux. Comment tu as vu l'émergence de Bordeaux, donc qui est arrivé de la deuxième division? Alors, on allait voir les matchs, rappelle-toi, Cyril, où on gagnait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 quasiment à chaque match. Il n'y a pas de niveau en deuxième division. Ah ouais, non, là, ça par contre, c'était terrible. Ça mettait tannée sur tannée. Ça montait en première division, et là, ça commence à être. Ça joue à sortir un peu les rames. Maintien acquis, ce fameux match face au PSG, et depuis. Ouais, derrière, il y a une vraie stratégie avec Stéphane Martin et puis Ulrich Ramet. Donc, du coup, ils sont allés chercher. Des joueuses comme Claire Lavogé la première année, ACI. La seconde année, Charlotte Bilbo, Jorena, Khadija Chaud. Et là, cette année, c'est quasiment que des internationales et des espoirs. Donc, il y a vraiment une stratégie offensive pour aller chercher cette troisième place qui est qualificative cette saison. Cette arrivée de Bordeaux dans le top 3-4 avec Montpellier, on va dire, français, c'est, je suppose que tu vois ça comme d'un bon oeil, ça va amener un peu plus peut-être de rivalité, d'attractivité, voilà, pour la dernière, d'attractivité pour le championnat. Mais moi, je bénis Bordeaux d'être comme ça, quoi, de faire tout ce qu'ils font pour le foot féminin, pour développer la pratique. C'est extraordinaire de mettre autant de moyens et de cœur dans ce projet, surtout, vous voyez, parce qu'il n'y a pas que les moyens qu'il faut mettre. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose à créer avec l'équipe, avec les joueuses entre elles, les encourager, les écouter, être attentif à ce qu'elles demandent. Et c'est ça que Bordeaux fait, même dans la communication. Moi, quand je vois la communication de Bordeaux sur les arrivées, les recrues et les anniversaires, etc., c'est des vidéos, mais je sais que ça demande beaucoup de temps de faire ce qu'ils font. Donc c'est un vrai travail. Et j'espère juste que ça ne va pas s'essouffler. J'espère juste ça. Bah, pour l'instant, je t'avoue qu'on est en pleine ascension. Enfin, ascension, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que d'année en année, on progresse. Pour l'instant, on ne stagne pas. Bon, alors, évidemment, la saison dernière, elle a été évidemment tronquée à cause de... Mine de rien, tu fais quand même demi-finale contre Paris. Tu vois que tu les titilles. Ouais, et tu prends pas une tannée. Tu perds 2-1. Tu les titilles. T'es pas loin de... Voilà, 0-0, oui. Ouais, par contre, ça a été très compliqué. Moi, je l'ai adoré ce match. Elles étaient à bloc. Ça me fait penser au Tour de France, c'est le dernier mec qui est dans le peloton qui est en train de galérer, mais tu lâches pas, quoi. Le gars, il veut pas qu'il y ait la voiture balayée derrière. Il la sent derrière. Bruno aussi. Hein. Ah oui, non, mais Romain Bruno a fait un match. Elle a fait un match. Mais elle a pris, elle a carrément éjecté Meyer, qui du coup a quitté le club. Et puis, Pour une fois, les choses ont été faites intelligemment, puisqu'au lieu de dire on crée une section féminine, on part de zéro et puis on met des joueuses et puis on voit bien comment ça va se passer, on a dit on a un club à côté qui s'appelle Blanquefort, on va là où même nous sommes en ce moment pour, depuis les locaux de cette, cette radio érigée. Ils ont dit on va aller racheter, enfin on va aller racheter, on va c'est aller faire un partenariat. C'est une fusion, mais en réalité voilà. qui est rachat. On va aller faire, on va aller faire une fusion avec les filles de Blanquefort. Donc les filles de Blanquefort, elles sont changées de maillot. On leur a dit maintenant ton maillot il est plus vert et blanc, il est marine et blanc. Mais ça a fonctionné. Parce que... elles aussi elles étaient contentes. Hein. Et elles étaient contentes de rester entre elles. Et on va à l'Ardèche, c'est ça ? Ouais. Sarah Cambo. Sarah Cambo qui était. Ça fait plus rêver de porter le maillot des Girondins d'un coup que de Blanquefort. Ah ben on est d'accord. Puis tu t'entraînes au Hayan. Avec tout le respect qu'on doit à Blanquefort. Ah mais oui, c'est sûr. Tout oui, à fait. Bon, c'est... Ouais. Non mais après elles avaient. Ouais mais. Ça après... tu dis ça parce que tu connais pas Blanquefort, Mia. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes au Hayan. T'as quand même des moyens d'entraînement. T'as quand même. Il y a eu du matériel. Il y a eu tout ça. Je m'en souviens. Ça a été. Ça a été vraiment une révolution pour elle. Et je m'en souviens même d'une interview où elle parlait que elle s'était impressionnée d'avoir des survêtements et tout. Bah, donc à un moment donné, j'ai dit, ouais, elle part vraiment de très bas. Je sais. Bah, c'est vrai j'ai qu'on connu. on est parti de. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, t'as du. Bon, tu supposes. Tu... En tant qu'ancienne joueuse, ouais, j'ai connu. Voilà. Hein, donc... Au FF ici en plus. Donc, ouais, donc Paris. On n'avait pas de survêtements, tout ça, donc c'était incroyable. Que veux-tu ? Et alors, quand. Alors justement, tiens, puisque toi, t'as évolué. Est-ce qu'on se dit à un moment donné. Bon, on est à notre niveau, on a envie vraiment que ça bam, que ça explose, mais ça explose pas. Bah oui. Et du coup, est-ce qu'on se dit bah c'est voilà parce que peut-être ça intéresse pas les gens, peut-être on demande trop, peut-être parce qu'il y a un truc moi dont j'ai horreur et ça c'est le piège dans lequel tombent pas mal de gens, c'est la comparaison. Je ne comprends pas. Comparer le foot féminin et le foot masculin, c'est comme comparer le foot avec le 100 mètres. C'est comme comparer Usain Bolt avec Alberto Tomba en ski. Ça n'a strictement. C'est incomparable. Il y a quand même des similarités. Mais non, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Ce sont deux sports différents. C'est pour se moquer après. Il y en a un qui c'est pour se moquer. Et nous, moi, on l'a fait, tu vois. À Cœur de Foot, on l'a fait aussi. On a comparé. C'est-à-dire, on a mis Neymar qui tombe tout le temps. Et Lee Carpenter qui se prend un ballon dans la face et qui tombe, et qui est presque dans le coma et se relève 10 secondes après. Donc oui, on compare ça, parce que si les gens qui regardent du foot masculin et qui critiquent le foot féminin, ils veulent nous titiller, nous on va leur remettre les doigts dans les yeux et après on verra qui a raison. Mais non, mais c'est en plus, chercher, non plus. C'est surtout que c'est débile, c'est-à-dire, voilà, oui, on compare pas la Dream Team NBA américaine avec les filles. Bon, parce que mais moi je veux dissocier, moi tu sais, je veux dissocier foot masculin et foot féminin. T'en as qui te disent, non, il faut que le foot féminin soit intégré dans le foot masculin. Oui, il y en a qui, j'ai entendu même, qui voulaient faire des équipes mixtes. Alors ça aussi, comme idée de débile de génie, c'est ministre, ça, c'est pas. Je sais plus c'est qui, mais il y avait une ministre comme ça qui avait dit un truc comme ça. Des équipes mixtes. Incroyable. Il y a des gens qui disent non, c'est pas du foot féminin. Si, et foot à souligner. Féminin, arrêtez. Foot féminin, la définition, c'est du foot pratiqué par les femmes. C'est ça. Pourquoi tu veux dire football pratiqué par les femmes ? Moi, déjà, entendre femme, ça me pratiquait. Ça m'horrifie, tu vois. C'est un sport, la pratique. Malheureusement, le combat féministe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, va beaucoup trop loin dans certaines... Moi, je trouve que dans certains domaines, ça va beaucoup trop loin où on veut vraiment l'égalité, le machin, et le truc. Bref. Et Thomas. À souligner le geste de la Fédération brésilienne, là, récemment, qui a... mis les salaires ils ont salaires ou c'est les primes, femmes, je crois que c'est par les salaires, il me semble. Je crois que c'est quand elles viennent jouer en fait en Brésil. C'est des Sao et des hommes et des femmes. C'est-à-dire que Marta touchera autant que Neymar. C'est ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire quand elle portera le maillot brésilien. Alors après attention, est-ce qu'ils ont baissé Neymar ou est-ce qu'ils ont augmenté Marta? Parce que faut voir ça aussi quand même, tu vois. Ouais. quoi qu'il arrive, que ça soit dans les deux sens, c'est quand même bien. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et oui, pour finir sur les comparaisons. T'es sûr que tu veux pas parler foot? Bah si, mais parce que moi il y a des trucs, ça me, si tu veux, ça me gonfle quand j'entends le mec qui dit hein, les filles, Moins dense, c'est moins physique. Oui, t'as pas le même métabolisme. Oui, une fille au 100 mètres, elle court pas en 9 secondes, elle court en 10 secondes. Au lancer du poids, mais elle lance comme un moment plus, elle court pas en 10 secondes. Il y a un moment donné, moi je veux bien l'égalité de machin, mais naturellement, une fille, Et ben, enfin, une fille. Il y a évidemment qu'il y a des filles qui rivalisent avec des hommes, mais pas sur des sports comme ça de contact ou. Enfin, ça peut être très dangereux. Un garçon même sans faire exprès. Je sais pas, on a peut-être fait un foot avec des copains, des copines, tu sais, comme ça pour s'amuser. Mais c'est pas la même puissance déjà. Donc... Même en retenant ton coup et enfin ton coup, tu vois, ou en te dire je vais faire gaffe, tu peux faire très mal. Il faut pas comparer. Une fille, ça, enfin, oui, les filles, ben, elles frappent moins fort, mais on s'en fout, c'est pas pour autant c'est pour que ça c'est pas bien. Football masculin, ouais, football féminin. C'est oui, non, mais je te dis, je parle des gens qui comparent. Ah, c'est sûr, si tu compares avec la Ligue des Champions Bayern Barcelone, oui, ça va être Wolfsburg, on a mis 9 à Glasgow. Hein. Oui, exactement. Comment vous faites? Tiens, comment tu fais justement pour? Est-ce que t'organises des événements ou bah alors en ce moment tu me diras bon. Moi j'ai fait la dernière Ligue des Champions par exemple. Moi j'ai dit Ligue des Champions. Oui. Parce que j'aime pas Ligue des Champions féminine parce qu'on dit pas Ligue des Champions masculine. Oui non Ligue des Champions ça passe bien. Voilà pour la rapidité on va dire du terme et donc j'ai fait la Ligue des Champions là 10 jours, on a suivi tous les clubs, on a fait tous les clubs à part Arsenal et Glasgow, mais j'ai interviewé toutes les joueuses, tous les coachs. Je ne fais pas de différence entre les Français et les étrangers, moi. Je veux que tout le monde s'intéresse à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je suis impartial. C'est-à-dire que moi, Bordeaux, Paris, Lyon, c'est au même niveau. Tous les clubs, même Soyaux, Albi, Rodez. Mais Paris, c'est un peu mieux quand même. Franchement, pas tout le temps. Je dis ça, c'est pour... Ouais, Cyril, c'était pour te... Non, mais après, moi ce qui m'intéresse à savoir, c'est vraiment ce qu'elle pense de ce championnat-là. Est-ce que tu crois que les Girondines donc, vont pouvoir titiller Paris, Lyon est-ce que pour toi, ou est-ce qu'il y a encore une marge qui est encore trop importante entre des clubs qui ont vraiment investi de l'argent et un club comme les Girondins de Bordeaux qui investit petit à petit? Non, pour moi, à Bordeaux, ils peuvent vraiment terminer à la troisième place. La deuxième place, ça va être compliqué parce que Paris s'est renforcé. Lyon, c'est impossible, c'est quasi impossible. Oui, Lyon, c'est trop. Mais, mais non, Bordeaux a beaucoup de chance parce que par rapport aux effectifs des autres équipes, on peut classer Bordeaux à la troisième place. Après, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nouvelles joueuses. Bordeaux a perdu une grosse joueuse quand même avec Viviane Asseyi, je pense. Mais ça peut aller à la troisième place. Mais elle a été remplacée parce que après, bon. Moi je la connaissais pas, Katia Schneuch, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais c'est vrai que sur la demi-finale qu'on voit contre Paris, on voit qu'elle est vachement intéressante, elle apporte énormément de percussions et pour tourner autour de choses, ça peut être pas mal. Après, il y a les deux jeunes, là, Dufour qui a été sélectionné en équipe de France des U19, il y a Cardia qui arrive de Marseille. Ce mix-là d'international et d'espoir, moi je trouve ça super intéressant. Surtout que ça me rappelle vachement en fait ce qu'on a fait il y a 2-3 ans quand on va chercher ACI et voilà Emeline Laurent, ces joueuses-là qui finalement ont réussi à percer un petit peu et puis à évoluer. Totalement. Donc, Moi je pense vraiment qu'on est dans une bonne stratégie. Après Paris, est-ce qu'elles sont vraiment au-dessus? Ah, quand même. Bah, moi, je pose la question parce que sur un match, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Oui, sur un match. J'ai l'impression. Non, après, je te dis ça. Mais c'était quoi il y a 2 ans quand. Bon, c'était à l'époque, c'était notre coach. Mais avec M. Doba, on avait fait une super période. Et finalement, quand tu arrives à avoir une série, derrière, c'est intéressant. Et Paris, on les joue dans 2 semaines. Pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Ouais. En fait, Paris, ils ont plus d'internationales expérimentées. Ils ont des Ramona Bachmann, ils ont des Nadia Nadine qui n'ont pas peur d'affronter, de mettre les efforts, l'intensité. Et en face, voilà, tu as des jeunes qui se font leur jeu, tu vois, qui sont en train d'apprendre. Donc, elles ont pas peur. Moi, je sais que Julie Dufour, Cardia, tout ça, elles ont peur de personne, de aucune chose en face. Mais elles sont en train d'apprendre. Il faut du recul et elles l'ont pas encore. Est-ce que tu ne crains pas, parce que je viens de penser à ça à l'instant, là, est-ce que tu ne crains pas, alors, pas de suite, mais qu'avec au fil du temps, au fil des années, si le foot féminin arrive à être aussi professionnalisé dans la médiatisation, dans tous les à côté, en fait, parce qu'elles sont déjà professionnelles dans leur pratique, mais je parle dans tous les à côté, la médiatisation, les réseaux, enfin tout ce qui fait la pollution des hommes. Ouais, voilà, j'allais dire tout ce qui pollue un petit peu l'environnement des hommes. Est-ce que t'as pas peur justement que le foot féminin, avec les années, tombe aussi un peu là-dedans? Lorsque moi je vais appeler plus le marketing, c'est la popularisation du football, quoi. Ouais, mais est-ce que les filles justement ont peut-être pas plus de jugeote un petit peu que les garçons de se dire bon, on va peut-être pas s'afficher avec des gonzes, avec des mecs torse nu dans une boîte de nuit avec une bouteille de champagne, quoi. Tu vois, ce genre de délire. Non, c'est pas leur délire en fait. Voilà. C'est juste, la plupart, c'est pas leur délire. Peut-être qu'il y en a certaines qui le font, qui vont en boîte, tout ça, et qui profitent, bah, c'est tant mieux pour elles. Mais c'est vrai qu'elles n'auront pas une grande carrière, je pense. Mais non. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais, par exemple, c'est un peu antagoniste, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, mais il faut faire plus, nanana. Et de l'autre côté, tu me dis, ouais, mais est-ce que t'as pas peur que ça tombe dans le business, dans le people et tout. Tu vois ce que je veux dire? Faire plus en évitant ces écueils. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que la FFF, ils prennent leur temps. Et surtout que la FFF, c'est elle qui gère le foot féminin, alors que la Ligue 1, c'est géré par la LFP. Mmh. C'est un truc professionnel. Il y a tellement de business derrière. Tu vois, il y a des paris derrière. Donc c'est ça qui ramène l'argent, les droits télé, tout ça. D'ailleurs, donc, à ce propos, petit à petit, quoi. Est-ce qu'il est totalement inenvisageable d'envisager une LFP pour le foot? C'est en train. Bah non, c'est une question que je me pose. Pourquoi le championnat de foot féminin est géré par la Fédé alors que celui de masculin est géré par une ligue? C'est plus ancien. C'est le foot féminin a 50 ans de retard par rapport au foot masculin. Et c'est là au moins que je trouve ça injuste. C'est-à-dire que quand on parle de primes reversées par la FIFA qui est plus élevée pour les garçons, d'accord, certes, mais n'oubliez pas qu'il y a 50 ans, les joueuses n'avaient pas le droit alors qu'elles le voulaient. Donc ce que doit faire la FIFA, c'est égaliser, c'est remettre la balance à égalité. Même si on doit donner 10 millions aux filles et 10 millions aux garçons, tant pis, c'est comme ça. Ah oui, donc toi, tu parles au niveau international, pas juste au niveau français ou... Okay. Tu vois, c'est de la justice, ça s'appelle juste de l'équité. T'imagines, ça aurait été l'inverse, le foot féminin est au-dessus du foot masculin? Ben moi, je t'assure que si c'était ainsi, je me serais battue pour le foot masculin. Ah, ou alors, tu vois ce que je veux dire? On se bat pour pas qu'ils aient 10 millions. Non, si, il faut se battre pour la justice. Parce que moi, comme j'ai fait la Ligue 1 cette saison, c'était ma première, j'ai fait la Ligue des champions masculines, tout ça. Donc je sais comment ils sont. Moi, je les adore, les joueurs. C'est le foot masculin que j'aime pas. C'est l'environnement qu'il y a autour, peut-être, et tous les... Mais j'aime pas tout ça, tout l'argent qui est autour. Tu vois, les... T'as pas d'ailleurs, est-ce que ça arrive, ça? Il n'y a pas de charme. Est-ce qu'il y a des agents? Est-ce qu'il y a tout ce système-là de transfert qui commence à se mettre en place chez les féminines ou pas? Un petit peu, oui. Oh, bah, un petit peu, hein. Quand Caroline Herder, elle avait encore un an de contrat à Wolfsburg et qu'elle part à Chelsea pour 350 000, tu vois, de livres. Mmh. Tu vois. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Herder, elle a bien fait de partir. Kathleen Souza aussi. Elle a bien fait de partir parce que son coach est nul. C'est déjà chaud qu'il a failli partir au Real. Ah, c'est Kathleen Souza, genre. Kathleen Souza, genre, plus gros transfert des Girondins, 100 000 euros. Bam. Oh là là. Et elle est à l'Inter, là. Mais on a refusé. C'était le Real à l'époque, je crois, qui avait proposé ça. Ah, on a refusé. Et 100 000 euros pour un transfert féminin, c'est énorme, quoi. Ah oui. Ouais, bah c'était Grigiembo qui avait été transféré de Guingamp à l'OL pour cette somme, hein, à l'époque. C'est un mois de salaire de Camano, quoi. Mais tant mieux. Ouais, tu vois, il y a... Ouais, non, tant mieux pour le foot féminin, pas pour Camano, parce qu'il nous a coûté un bras, celui-là. Donc, Dieu merci, il n'est plus là. Je le connais pas. Ah ben, bah, tu le connais pas, ben ne cherche je pas à le connaître. Tape Camano Highlights sur YouTube, ça dure 20 secondes. Tu vois Adrien. Ah, il est vraiment de mauvaise langue. Non, honnêtement, t'auras des bonnes vidéos, mais quand il jouait à Bastia. Voilà. Non, t'es mauvaise langue, t'es vraiment mauvaise langue. Il a fait 2-3 trucs sympas. Ouais. Il a fait 2-3 trucs sympas, mais bon, pas non plus, pas non plus très moi, ouf. Tant que je vois pas, je peux pas juger. Moi, j'ai une question encore sur le foot féminin. Au niveau de l'entraîneur, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, moi, Girondin de Bordeaux, tu vois, pour me dire. Après, c'est la stratégie du club, mais quand même virer le meilleur entraîneur de France pour mettre Pedro Martinez Losa, qui fait certes du beau football, mais comment quand on est, on va dire, pas qu'on est consultante ou qu'on travaille dans le foot féminin, on voit ce genre de pratique? Parce que finalement, moi, Pedro Losa, je l'adore. Hein. Enfin, je voulais un Anglais. Enfin, il est d'origine espagnole, mais il a joué en Angleterre avec Arsenal. Moi, je voulais un Anglais en France. J'ai été servi. Donc, merci Bordeaux. Mais Jérôme Doba, il est pas à plaindre. Hein. Là, ce qu'il fait maintenant, il est avec l'équipe de France, il est avec les jeunes, tout ça. Et donc, il est vraiment pas à plaindre. Après, quand il a été élu, je pense, meilleur coach de la saison, je pense que c'était aussi pour tacler un peu celui de Lyon. C'est-à-dire, on va pas te mettre toi, on va mettre Jérôme Doba. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est plus de l'ingratitude, tu penses, en fait, de la taquinerie. Ouais, je pense que, parce que peut-être personne voulait voter pour Lyon, donc ils ont voté pour Jérôme Dobac, parce que surtout, le projet de Bordeaux est beau, quoi. Et je pense que toutes les joueuses et les capitaines, tout ça, elles se sont dit, mais ce que fait Bordeaux, c'est incroyable. Ils servent notre cause. Donc on doit aussi voter pour les booster un peu, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi voté pour Jérôme Dobac, parce que c'est pas le coach qui fait les victoires, c'est les joueuses. Oui, après, tu as quand même un système. Mais après, c'est vrai que Pedro Martinez-Loza fait pratiquer un très très beau jeu aux Girondins. Et j'allais te dire, ça a marché, parce que c'est vrai qu'ici, on s'était beaucoup interrogé. On n'a pas compris que le coach qui avait amené cette équipe-là à un niveau à laquelle elle n'avait jamais été, on le remercie, on l'emplace. On s'était un peu posé des questions, on s'était dit, oula. Et puis au final, bizarrement, dans ce club, il y a un truc qui a fonctionné. Ça a marché. Et ça a marché mieux que ce que c'était avant. Il y a une petite période quand même de réglage au tout début, parce que c'était vraiment un changement radical de football. Ouais. Parce que du coup, c'était vraiment que du sol et que repartir vers l'arrière avec un jeu qui était vers l'avant. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose. Et, Depuis l'arrivée de Charlotte Bilbao, Ina Jorina, je pense qu'elles ont un peu donné leur expérience. Tu vois, quand elle parle, tu vois, quand tu vois les vidéos où Charlotte Bilbao, elle parle, elle dit « Ouais, on gagne, elle nous écrase pas, on les écrase », mais c'est trop beau, quoi. Tu vois, c'est ça qui fait le charme de l'équipe de Bordeaux. On sent une osmose, une mayonnaise qui a pris. Mais c'est exactement, et puis ce qui fait plaisir, c'est que ça vraiment consolide, parce que j'ai oublié de la citer tout à l'heure, et honte à moi, mais F. Périssé, quand même, qui est une internationale française, oui, qui arrive de Paris Saint-Germain. C'est quand même. Voilà, il y a quand même. Mais elle est géniale, cette chose. Moi, je l'adore. Elle prend toujours des risques de dingue. Elle passe de Lyon à Paris et elle passe de Paris à Bordeaux. Enfin, elle est extraordinaire. Parce que elle, ce qu'elle aime, c'est le projet. C'est qu'on la mette bien, qu'elle voit que ça leur tient à cœur aux responsables, ouais. Tu vois. C'est ça ce qu'elle a ressenti à Bordeaux. Et puis, surtout, je pense qu'elle en avait marre, tu vois. Elle voulait se sentir importante. Elle a enchaîné. Vous voulez se sentir importante, je pense. Parce qu'à Bordeaux, elle va être centrale. Ah oui. Je pense pas. C'est, tu vois, elle est. Enfin, centrale dans le projet, mais c'est vrai qu'après, malheureusement, pour nous, c'est une historique qui va sur le banc, puisque c'est André Alardès qui. Moi, je sais. Après, parce que t'as fait une fille. Mais je pense que tout à jouer ensemble. Hein. L'une devant, l'autre derrière. Hein. Oui, puis là. Alors, malgré que la saison va être forcément. Attends, on est quoi là? Moi, par contre, j'ai une question. Oui. Alors, tu vas me dire que c'est totalement idiot ma question. Mais vas-y. Mais est-ce que cette saison. Tiens, s'il faut, on termine là-dessus. Vas-y, suivant est-ce la question. Est-ce que les féminines ont droit à 5 changements ou pas cette année? Ah, c'est pas con. Je sais pas si les règlements de l'UEFA ont été pris en compte encore. Je sais pas du tout. On nous a pas tenu au courant sur ça. Parce que on en a parlé encore la logique avec notre effectif, avec des Oulé Matassar, avec Dufour, Cardia sur le banc. On pourrait vraiment faire mal, La légende, je suis fatigué. Non, parce que je vais vous expliquer après pourquoi je dis le mot légende. La logique voudrait que, oui, s'il n'y a pas de raison, les femmes, les filles du foot féminin ont autant souffert, entre guillemets, que les garçons, de l'interruption de saison, du Covid, de la préparation physique, tout ça. Donc, la logique voudrait que, oui, normalement, il y ait 5 changements. Oui, si c'est en Ligue 1, ce sera en D1, ça c'est sûr. Il faut espérer pour elles, les pauvres, parce que ça n'a pas dû être marrant non plus. Parce qu'on oublie quand même un truc. Nous, c'est facile, les mecs, on dit les filles. Mais il y en a peut-être qui sont mères, il y en a peut-être qui sont mamans. Il y en a. Donc, forcément, va concilier ta vie de. Déjà, quand t'es pas footballeuse professionnelle et que t'es maman, même avec un mari ou célibataire, c'est déjà galère. Alors, quand t'es joueuse de foot professionnelle, ça va être une tanasse totale, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, plus le confinement, plus machin, plus tout ça. Ça doit être super compliqué de bon alors après je pense pas qu'il y ait une majorité. C'est des habitudes, tu sais. Je pense que c'est des habitudes, elles sont peut-être plus exténuées et plus fragiles peut-être que des joueurs qui sont vraiment focus sur ça, mais c'est des habitudes qu'elles prennent, tu vois. Ça leur fait plaisir d'avoir des enfants et de s'occuper de leurs enfants et d'aller s'entraîner à côté, quoi. Pour finir, Dounia, si je te demande un top bon alors, je vais pas te demander un top 3 pour cette année parce que ça va être facile. Paris-Lyon, ça va être facile. Lyon-Paris, pardon. Lyon-Paris, bah oui, si c'est Lyon-Paris, oui. Et le troisième? Lyon-Paris-Bordeaux pour moi. Franchement, Bordeaux. Parce que Montpellier, la mayonnaise est en train de prendre. En plus, ils ont perdu des gros joueurs. Ils ont perdu déjà Torricia, ils ont perdu Sandy Toletti. Ça va être compliqué. Hein. Montpellier, un historique, enfin avant-gardiste, Louis Collin, avant même Jean-Michel Aulas. Parce qu'on parle de Lyon, de Aulas, certes, mais l'avant-gardiste du foot féminin, c'est Nicolas à Montpellier. Bien sûr. Aulas a plus de moyens, je pense. C'est pour ça qu'il a, voilà. Il a senti plus le filon. Aulas, c'est un entrepreneur. C'est un génie, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, Aulas, faut pas croire qu'il fait ça par bonté d'âme et générosité. Qu'il aime ça, en tout cas. Franchement, je pense qu'il savoure à chaque fois. C'est l'Olympique Lyonnais. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Oui, voilà. Bon, alors, il est allé. Il aime gagner. Tiens, eh ben tiens, Dounia, juste une dernière question et après j'ai trouvé deux petites choses sur toi sur internet qui sont plutôt à ton avantage, donc je vais en parler. Non mais il y a rien. Non, parce que les deux en face de moi là, ils me regardent, oulala, qu'est-ce qu'il va dire. Ne vous inquiétez pas. Tu fais peur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. No stress. On a une émission. Quelle heure il est? On peut pas. Il est voilà, il est 10h moins le quart. On est en détente. Du coup, c'était quoi? Oui. Est-ce que tu trouves que Jean-Michel Aulas en a trop fait, et est-ce qu'il avait raison ou tort quand il a un peu gueulé contre l'équipe, parce que l'équipe a fait sa une sur un Julien Alaphilippe qui avait pris le maillot jaune, donc un Français dans la plus grande épreuve de vélo au monde qui prend le maillot jaune, et lui il dit bah ouais, mais moi mes filles elles sont 7 fois championnes d'Europe, elles font un truc historique et vous me les mettez en haut dans un petit bandeau avec marqué historique ou je sais pas quoi machin. Et donc il est allé même refaire une, je sais pas si vous l'avez vu, refait la une de l'équipe inversée, c'est-à-dire qu'il a mis ses filles en grand à la place d'Alaphilippe et Alaphilippe en haut. Le mec va très loin. Oh, mais c'était un truc un peu brouillon. Ah oui, non, c'était hyper, c'est chiadé. T'as l'impression que c'est ma nièce de 6 ans, elle l'avait fait sur Photoshop, c'était hyper chiadé. Ça se trouve c'était exprès justement. Ou c'est lui qui l'a fait. Il fallait pas que ça soit beau à voir, il fallait pas que ça soit parfait. Ah ouais, moi c'était pas beau. Oui, c'était ça, il ne fallait pas, surtout pas. Parce que si c'était beau, ça aurait été bizarre. C'est l'avantage de l'équipe. D'après toi, il a eu raison ou tu dis bon non bah oui, l'équipe, il y a un Français en maillot jaune sur le tour, bah oui, ça prend moi, la je une. Prends du recul. Moi je prends du recul sur ça. Je prends du recul parce que la finale a été regardée par 1,7 million je crois en France et en Allemagne, et quand tu vois que la Community Shield en Angleterre féminine, Manchester City, Chelsea a été vue par 3,4 millions, tu te dis oui, ça intéresse pas tant que ça. Et aussi, qu'est-ce que ça a rapporté, la Ligue des Champions par rapport au Tour de France. C'est ça qu'il faut voir. C'est ce qui rapporte le plus, malheureusement. On peut pas... C'est de la justice. Moi, je vais pas faire ma féministe et dire « Si, si, il faut que le foot féminin soit en première place, c'est pas normal. » Tu vois ce que je veux dire? C'est de la justice. La vérité, Dounia, c'est que moi, je peux te dire pourquoi j'ai pas regardé. Parce que je savais pas que c'était ce soir-là. Oui, c'est, alors c'est tout bête, ça n'a pas un été annoncé. Dimanche à 20h, ils pouvaient pas la mettre à 9h, la finale, mais dimanche non, à mais ça n'a pas été annoncé. T'as pas entendu vraiment dans les journaux ou à la télé qu'il y avait la finale, que Lyon était en finale, qu'ils jouaient comme quelque chose d'historique. Pour des finales regarde Paris, regarde la pub qu'il y a eu sur Paris Saint-Germain. Canal a fait sa pub parce qu'il le diffusait. Mais c'est vrai que ça aurait même. Pourquoi ça, tiens, t'as pourquoi pas eu la une de TF1 journaux, a diffusé PSG Bayern, pourquoi TF1 n'a pas diffusé Lyon Wolfsburg? On peut se poser la question aussi. Mais bon, ça, malheureusement, avant que les. On espère que les choses vont changer, mais. Après, c'est une histoire aussi de communication. Et encore, on en revient là-dessus. C'est un tout. Non, mais c'est un tout. Je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est un tout. Il faut que les joueuses se mettent. Il faut que les clubs s'y mettent. Il faut que la population s'y mette. Il faut que les joueuses aillent chercher la population, etc., etc. Il faut créer un petit pote. Et vite. Et je sais que cette saison va être un tournant. Je le sais. Parce que tous les clubs veulent. Je les ai tous écoutés. Ils veulent tous que ça soit une vraie réussite. Et je le sais. Depuis que je suis depuis 8 ans, je peux t'assurer que ça sera bon là. Eh ben Dounia, écoute, on l'espère vraiment. En tout cas, merci vraiment à toi d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Si jamais on fait un avant-match sur Twitch, on t'invite. Ah bah écoute, si t'es disponible, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur Dounia Mesli, je vous invite à aller voir deux choses. La première sur un site qui s'appelle Women's Sport. Il y a une interview de toi qui est très. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu l'as faite en 2019. Elle est magnifique, cette mars 2019, c'est super complet, et puis ça parle de toi et un peu de ton parcours, tout ça, voilà, exactement. Et un autre truc aussi que j'ai trouvé pour finir sur une note un peu rigolote. Non mais c'est pas une blague. Je lis Dounia Mesli, la révélation du journalisme sportif en 2019. Si ça titre d'article qui claque quand même. Voilà. Donc voilà. Donc écoute, merci vraiment à toi. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Cœur de foot. Voilà. Cœur de foot. Les réseaux sociaux, toujours pareil, Instagram, Facebook, Twitter. Il y a quoi d'autre? YouTube. On a fait le tour. Voilà. Bon. Les quatre. Merci voilà. beaucoup Dounia, vraiment. Merci et puis bonne continuation et puis à très bientôt. Ça sera avec grand plaisir si on pourra te revoir. Merci beaucoup revoir. Pour l'invitation, c'était vraiment exceptionnel comme émission. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Dounia. Merci. À bonne soirée, bon week-end. Ciao. Bye. Quelle fraîcheur, ça fait du bien. Hop là, pardon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une journaliste fille au téléphone. Je crois que la dernière c'était Margot Dumont. T'as qu'à voir, c'était il y a 2 ans, 3. On a eu Vanessa. Ah oui, mais tu la comptes pas comme journaliste? Bah non, je la compte comme intervenante de GIA. Bah là, oui, c'est une influenceuse, c'est. Est-ce qu'elle a sa carte? Oui, je ou sais non. pas. Ah, ben, si elle a pas sa elle carte. A toutes les cartes, Vanessa. Si elle a pas sa carte, elle a la carte FIFA, carte la carte bleue, la carte gold. Bref, on va. Il est temps de terminer alors, cette émission par le duel fratricide. Juste, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à aller voir championdudigital.fr. Oui, donc, tout à fait. Voilà, le site de notre amie Vanessa. Il est temps de terminer cette émission, messieurs, par le duel fratricide. Le grand frère contre le petit. Pourquoi ça part pas? Ah, si, ça part. Tu découvres ou pas? Mais non, tu connais, il en a déjà fait. Mais oui. Le meilleur ami de tous les enfants. Le temps pour moi de vous dire que l'équipe de France Espoir a battu en match de qualification à l'Euro. Groupe 2, 8ème journée, la Géorgie. C'était en Géorgie 2-0. Début de Beriachvili contre son camp et de Hudson-Edouard sur pénalty à la 92e minute. Et qu'actuellement... Dans la Ligue des Nations, à la mi-temps, l'Écosse mène 1-0 face à l'Israël, 0-0 entre la Slovaquie et la République Tchèque, la Roumanie mène 1-0 face à l'Irlande du Nord, et les Pays-Bas et la Pologne sont à égalité, 0-0 à la 47e minute, et l'Italie fait aussi 0-0. Il y a beaucoup de 0-0, il n'y a pas un seul but quoi. Allez, les gars, on attaque. Quelques petites déclarations, et ensuite, puisque c'est week-end équipe de France, questionnaire équipe de France. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais changer cette là, musique. Ça peut tomber sur n'importe quel joueur des Girondins, ça? Ça peut tomber. Je vais vous demander qui a dit ça ou qui a fait ci ou qui voilà. Et puis ça peut être qui, un journaliste, un joueur, okay. Un entraîneur, un agent, tout ce qui tourne autour des Girondins. Là c'est vraiment spécifique Girondins. Si c'est vraiment un peu biscornu, je vous le dirai. On va commencer. Ah ben tiens, j'avais le groupe des féminines à Reims. Trop tard. C'est qui dit? Attention, écoutez bien. Ce sont deux matchs très importants. On vise la première place du groupe. On sait que c'est la Suisse qui l'occupe. Benito. Donc on n'a pas le droit au faux pas. On y va avec beaucoup d'envie, sans pression particulière, mais on a à cœur de gagner les deux matchs. Ça concerne et l'équipe de France et les Girondins. Enfin, ça concernait les Girondins, ça les concerne un peu moins maintenant. Bédoué? Non. Roche? Non. Ça concernait. Roche, ça concerne. Ça concernait. Koundé. Voilà. Koundé. Ah mince, attends, faut que je note les points. Bah oui, ça concernait. Koundé qui est resté. Comme c'était les espoirs, il n'y avait aucun rapport avec. Je t'ai dit, ça concerne l'équipe de France. Équipe de France espoir, et ça concernait les Girondins. Ah mais t'as pas. Non, j'ai mélangé les. Ah bon, j'avoue, c'était peut-être pas très clair. Donc Thomas, il marque pas, et Cyril, il marque. Ça fait toujours Goleador 1-0. Faut que je trouve une petite musique pour Jules Koundé avant son match. Le rugby voleur du Chikiki, meilleur que Mazou, qui était donc titulaire ce soir, et les espoirs se sont imposés. C'est qui qui dit? J'ai pas beaucoup de déclarations, j'ai pas mal de. Oui, c'est qui dit? On sait qu'on va être attendu dans tous les stades cette année. Le plus important va être d'assumer notre statut. Martinez, tout ça. Non. À présent, on fait partie des tops, à nous de l'assumer pour montrer que ce qu'on a à réaliser jusqu'à maintenant n'est pas anodin. Alors effectivement, il faut chercher du côté des filles. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Bilbo. Qui a dit Bilbo? C'est moi. C'est toi, et ça fait 2-0. Tu peux parler, hein. Oui, mais... Tu peux dire des mots. Il a dit Deschamps. Tu peux dire des mots. Tu peux dire des mots qui, mis bout à bout, feront des phrases. Et si possible, la bonne réponse. Si possible, alors. C'est qui dit Bordeaux-Lyon avec la crise sanitaire? Bah, les restrictions sanitaires, elles sont bien évidemment embêtantes vis-à-vis de nos supporters. C'est une affiche et on ne sait pas à quelle jauge. Alain Roche. Alain Roche, tout à fait. C'était facile. Boum. Faut c'est sûrement pas Longue Épée qui va parler. Ouais, mon bonhomme. C'est qui dit les A restent un objectif, mais un objectif Koundé. Lointain. Les non. Koundé. Les A restent un objectif, ouais. Mais un objectif lointain. Mon objectif, c'est d'aller à Tokyo l'été prochain si les Jeux Bernard Dufour. Qu'est-ce que t'as dit? Bernard Denis. Bien, gamin. Voilà. Il a mis un peu de temps à démarrer, mais il est là. J'ai comme le disait. Alors, j'ai plus de déclaration. Si, j'ai une déclaration. Alors, celui-là, je sais pas si vous allez l'avoir. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Bordeaux est une bonne équipe, il y a tout de même un effectif correct avec des joueurs comme Laurent Koscielny, même si l'essentiel de sa carrière est derrière, c'est une valeur sûre. Alors bon, la décla elle fait 25 lignes, alors je vais pas vous... Ouf. Voilà. C'est un consultant, non vous l'aurez pas, c'était Geoffroy Garretier, mais c'était trop dur à trouver. Ouais. Je connais, mais alors putain, non, mais ouais, non, t'aurais dû dire l'émission qu'il faisait là, avec Kuntzmann et compagnie. Là, mais je m'en rappelle pas. Avec, comment il s'appelle Alors, vous allez me dire qui s'est engagé avec Erzurumspor. Quel joueur vient de s'engager avec le club d'Erzurumspor? Vous vous doutez bien que si je vous le demande... C'est où ça? C'est en Turquie. Erzurumspor. Un international béninois. Comment il s'appelle? Poco? Non. Cécile d'Almeida? Il jouait au Yeni Matalyaspor. Et si je vous pose la question, c'est qu'évidemment... Verdon. Il a joué au Girondin. Évidemment. Non, c'est pas Verdon. Verdon, il a signé à Ludogorets. C'était un gardien. Hugues? Non. Allez, je vous donne les initiales, ça va fuser normalement. FF. Fabien Farnol. Ah, tu vois que c'est facile. Enfin, c'est facile, si je vous aide. Tiens, qui a le droit qui s'est incliné avec son équipe face à son équipe et le FC Estegal. Ah, Cheikh Diabaté. Voilà. Finale de la Coupe d'Iran. Ils se sont inclinés contre le Tractor Zazi. Le nom du club. Il est revenu à deux buts moi, après en avoir Je suis très fort en championnat iranien, moi. Estegal, c'est Cheikh Diabaté. Qui bah, vient. Faut dire que j'ai envoyé un mail. Alors là-bas. Bon, ça là, je vais pas la compter parce que j'allais vous mettre Olivier Verdon, fil à Ludogorets. Tu l'as dit. Si, j'ai une dernière citation avant de passer au match. Et celui-là, vous le connaissez très bien. C'est qui dit. En quelques jours, avec Gasset, on a déjà 4 points en 2 matchs. Non, aucun but encaissé et des joueurs relancés, c'est déjà à mettre au crédit de l'entraîneur. Non. Base. Non. Jean-Louis Gasset aura-t-il, de la part de ses dirigeants, une petite enveloppe pour recrutement? Gasset, en tout cas, a un carnet d'adresse incroyable, des réseaux partout en Europe et pourrait, comme il l'a fait, écoutez bien, à Saint-Etienne, faire venir des éléments qui souhaitent se relancer. L'avenir nous le dira. Aubragnac. Non. Non. Menez. Des souvenirs que j'ai, il est très. Il aime bien Saint-Etienne. Paganelli. Non. Canal Plus, Bein Sport. Hein? Et M6, même, je crois. Denis Balbière. Yeah. Denis Balbière. Arrêtez. Parce que toi, t'as pas connu Denis Balbière. Mais c'était Monsieur Poker. Denis Balbière, exactement. Messieurs, j'ai dans la main 2-3 feuilles. On va commencer par le match et puis on terminera par ceci. Vous verrez, c'est très simple. Bon, je vous fais pas la règle, vous connaissez. Pas de match des Girondins, donc j'ai choisi un match de l'équipe de France. Et comme Thomas est très jeune et que Cyril est très ancien, j'ai choisi un match middle class. Tu vas les foutre dans les merdes tous les deux. Ouais, c'est pas juste après Nice Nat. Donc, vous connaissez la règle évidemment. Vous me donnez le 11 titulaire de chaque équipe et il y a eu 2 remplacements de chaque côté. J'ai le nom des remplaçants, j'ai même le nom de l'arbitre. Alors, j'ai le nom de l'arbitre. De leur femme. J'ai le nom du sélectionneur français. Bon, j'ai pas le nom du sélectionneur adverse. Nous sommes le mardi 19 novembre. Ah, je m'en rappelle. 2013. Nous sommes au Stade de France à 21h. Contre l'Italie. L'équipe de France, devant 77 000 personnes, il y avait 3 000 sièges vides. Et l'équipe de France s'est inclinée 2-0 au match aller en Ukraine. Et donc. On gagne 3-2. Non, on gagne 3-0. Putain, ah oui, 3-0. Il y a 7 ans, ah, mais ça, c'est oui, quand on se qualifie pour la Coupe du Monde. Et la France bat l'Ukraine 3-0 et se qualifie Merci. Pour la Coupe du Monde. Ah, ça va. Déjà j'en ai un. On est d'accord, c'est pas très compliqué. Ça devrait le faire quand même. Bon, donc vous me donnez les 11 Français. Vous pouvez vous lancer sur les Ukrainiens, mais je vous avoue qu'à part le gardien, il y a que le gardien que vous connaissez. Celui que je connais. C'est je pense qu'il y a que le gardien que vous. Si, il y a deux joueurs Mamadou ukrainiens. Sako. C'est ça. Il y a deux joueurs ukrainiens que vous pouvez trouver qui sont. C'est le mien. Qui sont très accessibles. Sinon les autres c'est la mort. Allez, qui se lance? Mamadou Sakho. Bon bah évidemment c'est lui qui a mis les deux buts. Voilà. Giroud. Attends, on se calme déjà. J'oreille. Mamadou Sakho. Un point pour Cyril. Olivier Giroud. Oui, il est rentré à la 82e minute. Yarmolenko. Voilà. Ça c'était un des deux qui était à trouver et il y en a un deuxième. Benzema. Karim Benzema évidemment. N'a pas marqué pour la 1500e minute d'affilée. Non, je suis méchant. Mais pour une Formule 1, c'est compliqué de marquer. Ensuite, Cyril. Lloris. Hugo Lloris était dans les buts. Ils sont tous easy. Le ninja, Patrice Evra. Exactement, Patrice Evra. 2013, Koscielny. Ben non. attends, je vérifie quand même. Eh non, quand tu connaîtras la charnière, bah t'en as déjà donné un des deux de la charnière centrale. Il aurait pu être remplaçant, hein. Alors attention, je n'ai pas les noms des remplaçants, j'ai le nom que de ceux qui sont entrés en jeu. Il aurait pu rentrer. Donc il était peut-être sur le banc, mais je l'ai pas. Oui, pardon. C'est à moi là. C'est à toi. Valbuena. Mathieu, petit vélo. Effectivement, petit vélo. C'est bien présent. Typiquement, c'est exactement la période que je détestais. Non mais franchement, quand je vais te donner les noms, Matuidi. Matuidi, évidemment. Matuidi, il était là. Bakary Sagna. Voilà, je cherchais, j'étais là, c'est pas Sabani. Il est rentré en jeu. C'est pas Sabani, c'est à la 78e minute. Il est rentré en jeu, mais c'est. Il en reste 1, 2, 3. J'allais. 4, 5. Non. Quand j'allais, tu revenais. Non. À toi. 5, dont un ancien bordelais. Menez. Non. Alou Diarra. À toi, Cyril. Non, pas Alou Diarra. Tu dis Alou Diarra ? Non, j'ai pas dit Alou Diarra. C'est connerie, 2013, il était bien. Mais ils sont tous mais connus de l'ombre. J'en ai peut-être un. M'a vu pas. Capou. Non. Capou. Non, mais vous. Trop compliqué. Vous. C'est trop compliqué. Malouda. Non. Mais qui j'ai entendu ? Thomas. Ribéry. Oui. Voilà. Francky. Anelka. Kaiser. Ah, en 2013, Cyril. Ah non, Anelka. Non, Thomas. Ils sont super simples. Il y en a un peut-être que. Mais sinon, ils jouent toujours en plus. Sissoko ? Non. Ah oui, c'est. Deschamps, parce qu'on n'a pas dit le nom. Bah oui, le coach Deschamps. Voilà, en 2013, c'était Deschamps déjà ? Ah bah oui, ouais. Mais pour les... il fait le Brésil. C'est vrai, oui. Il vous en reste un. Il vous reste un arrière droit, un arrière central, ça y est, c'est bon. Un milieu de terrain, deux milieux de terrain. Cyril. Qui a dit Deschamps ? C'est Cyril, donc c'est Thomas. Franchement. Ça va être le début. Deux milieux de terrain, un arrière central. Pogba. Un... Oh, mais non, putain, j'allais le dire, ouais, c'était Pogba. Le début. Ah ouais, ah ouais, tu vois. Il y a un ancien Girondin, les gars. Ouais, mais bon. Trémolinas. Alors, vu qu'il en reste trois à trouver, on fait plus chacun son tour, c'est vous jouer tous les deux. Trémolinas. Parce que je vais vous donner des indices. Arrière droit, ancien Girondin. Arrière droit, ancien Girondin. Jurietti. Mais non. À l'époque, quand il jouait. Ah, Debuchy. Voilà. Oh, putain, eh ben quand même. Debuchy, les deux derniers. Putain, Djouba. Hein? Djouba, côté ukrainien. Oula. Ah non, il est russe. Djouba, ouais. Honnêtement, le gardien ukrainien, il est trouvable. Largement. Ah, c'est Akinfeev. Non, c'est en russe, non, c'est ça. Russe. Non, putain, mais il est très connu et il est trouvable. Enfin, celui qui joue au Shakhtar là, avec les cheveux longs. Là. J'ai plus son nom. C'est... Bon, je vous le donne, c'était Piatov. Ouais, voilà. Les deux Français qui restent, franchement. Il y en a un, il joue encore en France. Zuma. Non, il joue en France là, en ce moment il joue. Mamba. Dans un club où. Dans un club en ce moment, si t'es vieux, c'est pas très très ouf quoi, tu vois. Si t'es vieux, c'est. Hein? Si t'es vieux, il y a un club en ce moment. En France, il y a un club là en ce moment. Si t'as plus de 30 ans, on te fout Ruffier. Un petit peu à la porte. Payet. Non, non. Perrin. Non. Perrin, il y a un milieu de terrain. Cabaye. Ouais, ben quand même. Ouf, ça vient de loin là. Et le dernier. Le défenseur. Il vous manque le défenseur central qui faisait la paire avec Mamadou Sakho. Qui était champion Varane. Du monde. Qui a dit Varane? Ah, c'est Cyril. Premier, ouais. Raphaël Varane. Vous avez votre 11. Actuellement, c'est dur. Le score est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. T'as 4 points de retard. Il y a 10 points à prendre là. C'est possible. Donc, techniquement, c'est jouable. Alors, bon. Maintenant, on repart à l'équipe de France 1980. Non, au début, je voulais vous faire un truc, les joueurs, les Bordelais qui ont joué en équipe de France. Et puis c'était très compliqué. Non, mais c'est surtout. Oui, mais c'est surtout qu'il y en avait 80, je sais pas combien. Bah, ils étaient tous de mon époque. Pour les retrouver, c'était chaud. Donc j'ai fait plus simple. Vous allez me donner, à votre tour, chacun à votre tour, le nom des 10. Alors. Les 10 qui sont sur ma liste. Il y en a sûrement d'autres, mais moi j'ai ces 10 là. Ils jouaient à Bordeaux quand ils ont connu leur première sélection en équipe de France. Ah, je vous rassure de suite, ils vous les couillent. Je vais même pas vous dire. Laisse commencer. Ils sont archi. Première sélection en équipe de France sous le maillot de Bordeaux. Voilà. Okay. Ils jouaient au Girondins Carasso. Quand ils ont été appelés. Mais non. En équipe de France. Carasso, il a jamais été appelé en équipe de France. Mais il était pas à Bordeaux. Il était à Toulouse. Mais surtout que moi, je l'ai pas dans ma liste. Ok. Zidane. Bah, quand même. Zizou. Alors, Zizou. Attends. Parce que je me suis fait pas chier à écrire un petit texte. Non, j'ai pas écrit, j'ai copié-collé. Zizou. 22 ans. République tchèque 2-0. 17 août 1994 à Bordeaux, 2-2. Et il est remplacé à l'heure de jeu. Il rentre à l'heure de jeu avec un numéro 14. Qui restera célèbre à tout jamais. Oui. Ensuite. Marc Planus. Ah oui. Il a une sélection. Ah non, est-ce qu'il a joué? Si, il a raison. Je l'ai pas dans ma liste, mais bon. Je suis pas sûr qu'il ait joué. Il a été sélectionné. On se calme. On se calme. Je vérifie. Ça fait un peu. Alors attends, je vérifie. Attendez. La VAR intervient. On se calme. Après, je suis pas sûr. La VAR intervient. À la Coupe du Monde, c'est sûr que non. Alors, mais est-ce qu'il a fait les. Laissez le temps à la VAR, parce que ça peut prendre un peu de temps de. De charger la page. Recharger. Vu qu'on est à 1 méga. Alors, la VAR, attendez, voilà. Je place la ligne. Est-ce qu'il y a hors jeu ou est-ce qu'il n'y a pas hors jeu? Je clique. Alors, Marc Planus. Sélection en équipe nationale. Putain. Une. Un match, mon gars. Ah, mais donc, là, je vais. Le point est validé. Moi, j'en ai un qui va te surprendre. Vicente Lizarazu. Évidemment, Vicente Lizarazu, 97 sélections. C'est au Parc des Princes en 92 face à la Finlande, victoire 2-1. Et c'était Gérard Rouillet. Rouillet, pas Houillet. Et il en profite même pour faire une passe D à Eric Cantona pour le deuxième but français. Un point pour Cyril Mavuba. Et oui, bien joué mon petit Rio Mavuba. Première sélection, il est en 13 sélections avec Rio Mavuba. Et alors, écoutez bien, Rio Mavuba quand même, c'est assez hallucinant. 7 mois après ses débuts en Ligue 1. Rappelez-vous, ses débuts en Ligue 1, c'est à Montpellier où il a marqué un but de ouf. Ouais. Il a à peine 20 ans, donc 7 mois après ses débuts en Ligue 1. Il était même pas encore français. Oui, il se retrouve propulsé en équipe de France A pour la première de qui? De Deschamps. Raymond Domenech. Et le 18 août, il m'a face à la Bosnie, il effectue ses débuts internationaux. Et contre l'Irlande, c'était son dernier match. Mavuba. Ensuite. C'est à moi, Christophe Dugarry. Eh ben, oui, quand même. Ben quoi, quand même, j'ai fait Zidane, Lisa, oui. Gary. 55 sélections, attaquant bordelais formé à Lormont. Bon, j'en ai plein. C'est à l'Australie. T'en as plus, bon, j'en ai. C'est face à l'Australie en 94 et il donne un but, le but de la victoire du 1-0 à Eric Cantona. 55 sélections j'en pour Duga. J'en ai même 3 autres. Thomas. Giresse, je sais pas. Ben oui, ah, évidemment. Évidemment, Alain Giresse. En Pologne, en 74, 2-0, à 22 ans, il débute chez les Bleus. Ce jour-là, à Wroclaw. J'avais moins 22 ans à ce stade-là. Il est titulaire. Et écoutez bien, à l'époque, et ça, je trouve terrible de ne plus faire ce jeu, de ne plus. À l'époque, le sélectionneur français était un Roumain, c'était Stefan Kovac. Ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est qu'on pense franco-français. Pourquoi on ne va pas chercher un Guardiola, sélectionneur de l'équipe de France, tu vois. Moi, ce genre de truc, ça, bon, pour l'instant, ça marche avec Deschamps. Mais le jour où ça marchera plus. Sylvain Viltorde. Ah là, ça y est, ça commence à. Non, mais moi j'en ai plein, hein. Je te les fais tous là. Sylvain Viltorde, 92 sélections, mine de rien, Sylvain Viltorde. Ouais, il remportera au terme de la saison donc le titre de champion D1, sacré meilleur buteur avec 22 buts, 24 ans à l'époque. Il effectue ses débuts chez les Bleus en 99 à Wembley, entré en jeu à la place de Djorkaeff. Il assistera à l'avènement d'un certain Nicolas Anelka, auteur d'un doublé. Rappelez-vous, c'est la fameuse victoire à Wembley 2-0 de l'équipe de France. Il vous en reste. Il y en a plus que deux. 2, 3, 4, 5 sur ma liste. Si vous m'en donnez qui sont hors liste, j'irai vérifier quand je même. Je tente. Marius, Trésor. Mais non, il était à Marseille, à Ajaccio, tout ça. Non. Ibrahimba, 8 sélections. Ibra! Ah, mais moi, là, 22 janvier 97, on est au Portugal. Il reste que des anciens là. Il y a avec, deux minutes avec aussi. Aimé Jacquet, il est déterminant sur le il premier but. Anciens, sur le premier but inscrit par qui? Hein? Sur le premier but, bah oui, mais si vous écoutiez. Mais Ibrahimba, il a marqué son premier but. Il est déterminé. Ah oui, sur le premier but, qui c'est qui marque? C'est Didier Deschamps. Ah ouais, et il s'en va inscrire son premier but tout seul comme un grand après avoir éliminé Fernando Couto, petit pont. Bam! Bon, Fernando Couto, tu connais pas. Mais non, mais il reste que des anciens là sur la liste. Non. Il reste que des joueurs que tu connais qui ont joué ces 15 dernières années à Bordeaux. David Bellion. Mais non, il est jamais tech. Yoann Micou. Non. Quoi, Yoann Micou? Tu rigoles quoi? Est-ce qu'il était pas au Werder? Non, Yoann Micou, il est sélectionné en même temps que Viltord et tout. En 2000. Peut-être, je l'ai pas dans ma liste, mais peut-être. Est-ce qu'il était au Girondin à cette époque? Girondin, oui. Sélection en équipe nationale France 99-2004. 99, il était au Girondin. Donc, il était au Girondin, ça compte, tout à fait. Thomas, tu passes? Lilian, il a quoi? Il a été sélectionné à Auxerre, il me semble. J'ai bien peur que... Première sélection à Auxerre. J'ai bien peur que Cyril dise vrai. Je vérifie quand même de ce pas. Sélection à l'équipe nationale, 97. Ah, c'est peut-être Bordeaux. Ah. Ça dépend de la date. Parce qu'il arrive juillet 97 à Bordeaux. Biographie, je regarde. Équipe de France. Il est convoqué pour la première fois en équipe de France à l'occasion d'un match amical contre l'Écosse le 12 novembre 1997. Donc il était au Girondin. Donc il était au Girondin. Donc ça fait un point. Ah, Jurietti, monsieur, 2 minutes. Oui, une minute. Une minute. Ouais, mais il a fait 2 sélections de 1 minute. Donc ça fait 2 minutes. Et non, il n'a qu'une seule sélection. Le 12 octobre 2005, 4-0 contre Chypre. Jurietti, donc 30 ans pour 5 secondes seulement, la plus courte apparition d'un joueur sur le maillot tricolore jusqu'à présent. Personne n'a fait mieux ou moins, bravo, ça dépend Franck. Comment on voit le chose. Il vous en reste 3. Tremoulinas, on l'a pas dit. Ouais, alors je vais vérifier, mais parce que là c'était un top 10 que j'ai trouvé sur. Mais oui, je vais regarder. Je suis pas sûr, Tremoulinas. Je suis pas sûr qu'il ait une sélection. Je pense qu'il a été appelé, ouais. Mais qu'il n'ait pas joué. On verra. Je pense qu'il est, appelé et je crois que sa 2012, première c'est... 2012. Alors, il est convoqué par 3 reprises par Laurent Blanc sans entrer en jeu. Tremoulinas voilà. S'est appelé par Deschamps pour remplacer Gaël Clichy le 14 novembre 2012. Est-ce qu'il était à Bordeaux ou pas? 2012, je pense qu'il est à Bordeaux. Oui, puisqu'il était resté jusqu'en 2013, donc ça compte. Qui a dit Tremoulinas? Donc ça fait un point. Ensuite, Ulrich. Évidemment. 12 sélections. Il remplace Stéphane Porato souffrant d'une entorse à la cheville, contraint de déclarer forfait, qui est appelé pour le match face à Andorre en juin 99 dans le cadre des matchs qualificatifs à l'Euro 2000. Barthez est laissé sur le banc des remplaçants et le gardien bordelais s'en sort avec une victoire 1-0 et un clean sheet. Il en reste 2, dont un très très très très très très très très très très très connu et l'autre très très très connu aussi. Plus après, si vous en avez d'autres que je peux rajouter à la barre. Il y en a un, franchement, les gars. Il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans, hein, il y en a un. Johan Gourcuff. Bah oui, ah oui. Johan Gourcuff. Prêté avec option d'achat à Bordeaux par le Milan au début du mois de juin. Le nouveau milieu de terrain des Girondins est appelé pour le match amical en Suède, programmé en août 2008, remplaçant Jérémy Toulalan en fin de rencontre. Et il n'aura même pas le temps de toucher le ballon pour sa première sélection. Yeah, en doublé. Bleu. Allez, il m'en reste un. Je vais vous donner les clubs dans lesquels il a joué. Hormis Bordeaux, évidemment. C'était il y a combien de temps? Je dirais que c'était il y a 15 ans. Oh. Alors, je vous l'ai fait de tête. Monaco, c'est dans le désordre. Monaco, Marseille, Bordeaux, Sochaux. Kamel Meriem, tout à fait. Revenu au Girondin, au terme d'un prêt réussi à l'OM, Meriem honore sa première des 3 sélections. Non, 3, à l'occasion d'un France-Pologne 0-0. C'était un beau match. Et il a joué les 25 dernières minutes. Score final. Et Thomas, tu t'es pas trop mal démerdé quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 14 à 22. Bon, Emmerich avait perdu 21 à 20, je sais pas combien la dernière fois. Bon, c'est honorable. Bravo Thomas. Bravo Cyril, vous vous êtes bien débrouillé. Je vais enlever cette musique. Qui chatouille l'oreille. On va passer à la fin. Vendredi prochain, donc pas d'émission radio, mais un avant-match sur Twitch à 20h15 jusqu'à 20h45. Ensuite, regardez Frédéric le match Roux. Avec Frédéric Roux en direct, évidemment, pendant une demi-heure. On aura les compos. Mais la vie, Frédéric Roux qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Lyon. On pourra parler de plein de choses. Voilà, il y aura le duel du match. On va parler tactique, il y aura le en duel, sachant que les pronos. Oui. On commence à parler de potentiel départ côté Depay. Donc ça peut. Enfin, maintenant que Messi n'est pas parti. Ça peut bouger. Depay plus Griezmann plus Suarez. Ouais, bon, si Suarez, ils veulent le virer. Si Messi reste, à mon avis, il y a Griezmann qui risque de partir. Et Suarez, apparemment, ils vont le dégager. Mais Suarez, il va rester. Si Messi reste, il y a Suarez. Koeman lui a dit direct. Il faut que tu comprennes un truc, Cyril. Messi ne reste pas parce qu'il a envie de rester. Il reste parce qu'il a pas le choix. Donc là, il décide plus rien, là, Messi. On lui dit, tu fermes ta gueule, tu t'assois et tu joues. Quand t'es Messi, je sais pas trop si ça dégage. Bref, donc on parlera de tout ça avec Frédéric Roux de 20h15 à 20h45. Donc nous, la prochaine émission en direct, 22h, voilà. C'est bam dans 15 jours. Entre temps, cette semaine, on a au moins du lourd lundi, voilà. Le vendredi prochain, on en est sûr. Donc du coup, suivez bien les réseaux sociaux. On a une grosse annonce à faire très très vite. Oui. Il va y avoir du très très lourd. Peut-être lundi, peut-être mardi. Et vendredi. Peut-être, voilà. Vendredi, il y a Twitch, il y a l'avant-match. En tout cas, on va être très très actif. Et il y a l'interview d'un journaliste très connu, dont on ne dira pas le nom parce qu'on va garder la surprise. Il y a du lourd qui arrive côté Girondin Analyse. Donc, soyez à l'affût. Twitter, donc Géanalyse, @Géanalyse. Sur Facebook, la page de Girondin Analyse. Instagram, c'est pareil. On a un Discord où vous pouvez venir discuter avec nous de tout. Surtout de rien. Voilà. On peut faire aussi des blagues. Bon, on n'est pas très bon en blagues. Hein. Bon, on n'est pas très bon non plus en Gironde. Mais au moins, on est gentil, on ne mord pas. Mais. Enfin voilà, donc du coup venez rejoignez la communauté de Girondin Analyse. Là, dans les jours à venir, du très très très très lourd. Dédicace à Florian Brunet et puis aux Ultras qui nous ont autorisé à utiliser le Girondins. Même si on précise quand même que nous les Girondins, ça n'appartient pas aux Ultras. Oui, mais même si ça leur appartient pas, on a quand même. C'est pas une copyright. Hein. On a quand même vu avec eux et franchement, on les remercie. Voilà. Merci Alexandre Poirier qui était avec nous. Merci formationgirondin.fr. Maxi Dounia Ménil qui était Ménil, c'était le perchiste. Oui, oui. Qui était avec nous aussi. Merci Cyril, merci Thomas. Les phrases de fin et on se quitte. Mais du coup, Didier Sénac, le seul, l'unique. Voilà, tiens, coupure micro. Paul Bayes de retour en force. Voilà, allez. Merci les gars, on se retrouve donc en direct Twitch 20h15-20h45 vendredi pour l'avant-match de Lyon-Bordeaux. Sur Twitch également, interview à venir, journaliste dans la semaine. On vous tiendra au courant de qui c'est, on vous fera la surprise évidemment. Voilà, quant à moi, ça sera ma phrase de fin habituelle. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci d'être aussi nombreux. Bonne soirée, bon week-end, à l'écoute des RIG, ciao.